crois qu'en méro. Oh, je suis dans mon film, tout va bien. Je m'en bats les reins, tout va bien. Cousin, t'étais où quand moi j'étais en chien. Tu tout bien, j'ai pris le vide. Ouais, maintenant je fais le plein, c'est le destin. Et si c'était à refaire, je ne changerais rien. Je me sens bien. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Mes amis, ma putain de vie, mes ennemis, mes tourments. Merci ma go, elle me donne tant. J'suis love d'elle, j'ai un dressing, c'est une usine. Oui, j'suis rancunier et j'aime trop la sape. Là, j'suis sur scène, là, j'suis sur Mars. J'suis overbooké depuis des années. Faudrait plus qu'un son, faudrait plus qu'une vie pour t'expliquer par où on est passé. Hamdou, on est là avec tous mes zins. Arrête de jeter l'œil, tu vas t'aveugler. J'suis dans mon film, tout va bien. J'm'en bats les reins, tout va bien. Cousin, t'étais où quand moi j'étais en chien. Tu tout bien. À refaire, je ne changerai rien. My nigga, my nigga, my nigga. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Regarde-moi, regarde-moi. Comment ce qu'il y a dans mon compte, j'ai pas vraiment changé. Quelques zéros en plus. Charbonné, charbonné, charbonné, charbonné, j'ai toujours charbonné. Dubaï, Miami, elle choisit. Faut que je me repose, mon fils grandit. J'suis dans mon film, tout va bien. J'm'en bats les reins, tout va bien. Cousin, t'étais au grand, moi j'étais en chien. Tu tout bien, j'ai fait le vide. Oh, ouais. Maintenant j'fais le plein, c'est le destin. Et si c'était à refaire, j'ne changerais rien. Alonso des psychiatres de la rime sur Skyrock. On écoutait Regarde-moi, il est 6h du matin. Bonne journée, bon réveil, bonjour à vous. Ah, bon courage si vous êtes dans le nord de la France. On va en reparler tout de suite des inondations, on en parlait hier soir d'ailleurs. Vous avez envoyé plein de photos hier soir. C'est hallucinant, ouais, ce qui s'est passé dans le nord. Eh bien on en parle tout de suite, c'est l'heure des infos avec Rémi, ouais. Et le point sur la météo pour aujourd'hui. Et encore de la pluie et des orages attendus aujourd'hui sur le nord-est, hein. Vers midi, il va y avoir des nouveaux départements en vigilance orange. Ce sera l'Alsace, la Champagne-Ardenne, la Franche-Comté et la Bourgogne aussi, hein. Donc voilà, soyez très prudents. Alors pour l'instant, nous avons toujours trois départements qui sont en alerte inondation, à savoir l'Eure, la Seine-Maritime et l'Essonne. Et puis la vigilance orange reste aussi de mise pour les orages dans le Nord-Pas-de-Calais et en Picardie. Partout ailleurs, eh bien, ce sera agréable et surtout sur une large moitié sud où le soleil sera bien visible. Quelques averses possibles cet après-midi en Ile-de-France. Les températures pour ce matin, on a 11 degrés à Saint-Brieuc, 12 à Rennes, 13 à Amiens, 14 à Lille, 15 à Paris, à Limoges, 16 à Strasbourg et à Lyon, 17 à Nice et 19 à Marseille. Au meilleur de la journée, il fera 17 à Dunkerque, 18 à Cherbourg, 20 à Besançon, 21 à Rouen, 22 à Lille et à Metz, 24 à Paris et à Poitiers, 25 à Lyon, 26 à Marseille, 27 à Périgueux, 29 à Toulouse et 31 du côté de Nîmes. Et puis la pollution, ça reste très moyen aujourd'hui. Les indices sont compris entre 3 et 5. 5 à Orléans, Cherbourg, Bordeaux, Poitiers, Perpignan, Marseille, Lyon, Colmar et Reims. Et il va faire chaud dans le sud. On fait le point sur l'actu tout de suite sur Skyrock. C'est parti, l'actu et le sport. Les caprices de Dame Météo qui se poursuivent après le centre et l'Île-de-France. Les intempéries frappent désormais le nord et l'est. Une série d'orages a éclaté hier, ce qui a provoqué par endroits des montées d'eau très rapides. Un homme de 71 ans est mort noyé dans sa voiture dans le Pas-de-Calais près d'Arras. Des villages entiers ont été traversés par des coulées de boue à proximité de Strasbourg. Les pompiers sont intervenus près de 1000 fois en quelques heures. La galère qui continue sur les quais de gare pour les 8e jours consécutifs. La grève a été reconduite par Sudrail et FO. Les syndicats se disent insatisfaits du projet d'accord concernant le temps de travail. La CGT ne se prononce pas et s'en remet aux décisions des assemblées générales. Comptez 3 TGV sur 4, 6 TER sur 10, un transilien et un intercité sur 2. Une revanche pour Jérôme Kerviel. La Société Générale a été condamnée hier au prud'homme. La banque doit verser 450 000 euros à son ex-trader pour licenciement abusif. Elle a annoncé son intention de faire appel. Elle revendique sa victoire. Hillary Clinton s'est exprimée cette nuit à son QG de campagne de Brooklyn. Elle estime que c'est un jour historique puisque c'est une femme qui va représenter pour la première fois l'un des deux grands partis politiques américains pour la course à la Maison Blanche. L'ex-secrétaire d'État a remporté le New Jersey cette nuit au cours du dernier Super Tuesday. Son rival démocrate Bernie Sanders, qui est désormais hors jeu, ne s'est pas encore exprimé. Les Bleus qui se préparent à fond à deux jours de l'Euro. C'est le moment de se mettre dans une bulle, comme on dit, de se concentrer. Les hommes de Deschamps ont fait leur dernier entraînement public hier. Terminé les fans et les journalistes à partir d'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle un huis clos et il doit permettre aux sélectionneurs de faire ses tout derniers réglages dans l'intimité. Un bon plan quand même si vous êtes fan de l'Allemagne, championne du monde en titre. La Mannschaft s'entraîne du côté d'Evian, alors que le Suédois la Suède de Zlatan a choisi Saint-Nazaire comme camp d'entraînement. Et puis Laurent Blanc vers la sortie. Le PSG aurait choisi un triple vainqueur de la Ligue Europa pour le remplacer. C'est Unai Emery, le coach de Séville, qui pourrait dire oui au club de la capitale. Les discussions seraient très avancées. L'annonce quasi imminente. Ah, et bien vous tient au courant. Merci Rémi. Ouais. Si on sait dans la matinée, faut nous dire. Bah oui. On se retrouve à 6h30 tout à l'heure. À tout à l'heure. Il est 6h03 sur Skyrock. C'est parti pour le morning en direct. Aujourd'hui, c'est mercredi, et c'est le morning de Default. The morning show! En direct sur Skyrock. Un petit mal au démarrage. Oui, c'est ça, c'est un diesel, il faut le démarrer. C'est un diesel, mais une fois qu'il est parti, il est parti. Et là, c'est bien parti. Pour de bon, là. Jusqu'à 9h. Salut tout le monde, bienvenue, bon réveil à vous. Il est 6h04, on est le mercredi 8 juin. Bonjour Romano. Bonjour tout le monde. Au programme de cette émission, des places de foot, des coiffures de foot, et on va en reparler tout de suite parce que celle-ci, il faut pas la louper. Dès le matin, il faut la voir parce qu'elle est pas mal. On a fait plus fort que les coiffures des Françaises. C'est marrant, on en parlait hier avec tes conseils pas chers, Romano. Ouais, c'est ça, on s'est occupé de ça hier matin, ouais. Bon, alors, les conseils pas chers, on les retrouve tout à l'heure à 7h10, à 8h10. Au programme de la matinée, ça c'est à n'importe quel moment, on parle Euro et on vous offrira vos places pour un gros match de l'Euro. Vous gagnez tous les matchs jusqu'à la finale sur Skyrock. 200 places de foot à gagner pour assister à des matchs de l'Euro avec le Crédit Agricole. C'est à gagner tout à l'heure, c'est à n'importe quel moment de l'émission. Hier, c'est tombé juste avant 7h. Avant-hier, c'est tombé juste avant 9h. Ah bah voilà. Bah, aujourd'hui, peut-être ça va tomber juste avant 8h, on verra. De toute façon, c'est à n'importe quel moment du morning. Bonjour à l'équipe qui est déchaînée. Bonjour Cariole, plus belle et plus sensuelle que jamais. Merci. Avec tous ces téléphones. Salut Cédric. Salut Cédric. Voilà, Cédric, bonjour tout le monde. Ne plus allumer son micro. Oui, c'est Cédric qui a oublié d'allumer son micro. Oui, tu appuies sur le bouton. C'est ça. Qui est devant toi. Alors, il faut que ça soit rouge pour que tu puisses parler. Bonjour Karim. Et bonjour à tous. Voilà, au programme donc ce matin, plein de choses à faire. Du gros son aussi. Tiens, on va se passer un petit Fetty Wap. Trap Queen, il est à retrouver avant 6h30. MHD là pour démarrer cette matinée. Et une coiffure, Romano, tu vas regretter d'être chauve. C'est la coiffure de qui? Tu connais le Belge Marouane Fellaini? Ah bah absolument pas. Non, tu connais pas. Alors c'est un Belge. Si tu le vois sur le terrain de Belgique, tu le reconnaîtras tout de suite. C'est celui qui a une grosse touffe de cheveux. Ouais, d'accord, ouais. Un peu comme l'autre du PSG là. Alors comme David Luiz, mais en plus rond, tu vois. Ah ouais, encore plus de volume. Donc il était brun jusqu'à présent. Il est algérien d'origine, je crois. Marocain d'origine. Alors Marouane Fellaini s'est fait une coiffure en jaune. Ça m'a fait penser à toi quand tu jouais avec ton copain et que t'avais 17 ans et que vous faisiez des coiffures tous les deux. Non, il me coiffait. Hein. Voilà, il te coiffait, que vous jouiez au coiffeur. Bah attends, hier, on en parlait hier matin à Pogba, bien un pote qui lui testait sa coiffure. Et bah moi, j'avais un pote qui me coiffait, j'avais un coiffure personnel. Romano était précurseur. Parce que j'étais déjà le prince du hip-hop et en Bourgogne. En Bourgogne. Eh bien, la photo, on va vous la mettre sur tous les réseaux. Si vous avez deux minutes ce matin, allez la voir. Donc, c'est Marouane Fellaini en blonde. Voilà la tête que ça lui fait, on dirait Kanish. Ah mais ouais, et puis en plus le blond il est foireux quoi. Le blond est orange. Il y a eu un problème au niveau de la décoloration, ouais. On dirait Kanish. Vous savez les caniches de vieille, je vais montrer à Cariole après. Et les trucs qu'il y a, c'est qu'en plus il a des gros sourcils bien noirs, oui, ouais. Donc ça tranche un peu. Et regarde Cariole. Oh. Ah mince. Ah ouais, mince. Ah ouais quand même. Allez voir, vous faites le hashtag morning de Default et vous nous dites ce que vous pensez de la coiffure de Marouane Fellaini. Faites également hashtag Kanish. Voilà. hashtag achetez-moi un coiffeur. J'ai déjà vu un lama, tu sais, avec cette coupe de veuche-là. Allez, hashtag lama aussi. Mais c'est vrai, on dirait Serge de Lama. Mais ouais, un petit, la bouboute de Serge dessus. Et vous savez qu'avec Storo, on rigole parce qu'en fait, on parle pas de foot. On parle que des trucs à côté. Oui, bah, pour le moment, en même temps, ça n'a pas commencé le foot. Donc, c'est vrai aussi, ouais. On n'a pas encore eu de match. Donc là, on s'attarde un peu sur les looks, tout ça. Ah, mais c'est marrant. Bon, bah, voilà. En tout cas, il a réussi. En tout cas, t'as bien fait de faire tes conseils pas chers, spécialement. Ah, ouais. Allez, suivi mon conseil, ça me fait plaisir. Bon, allez, c'est parti, on démarre avec MHD parce qu'il est déjà 6h07. Le réveil de Star dans un instant. Et puis, bon courage à ceux qui étaient sous la pluie hier. Il y a Loïc du 51, t'as raison de faire attention, Loïc. Il nous dit si le temps continue comme ça, je vais investir dans une pirogue. C'est ouais, une bonne idée. Bah, fais gaffe, s'il y a les policiers qui ont essayé de faire de la barque, ils ont un peu galéré, eux. Ouais. Hein. C'est et vrai. Si tu avais la vidéo où les trois se cassent la gueule dans la flotte, c'est pas évident de faire de la barque. Et dans le 51, t'as raison, t'es en alerte aujourd'hui. Ah ouais. sur la Bourgogne. La Bourgogne, ouais, la Franche-Comté, la Marne, la Champagne-Ardenne et l'Alsace. Ah oui, oui. Eh bien, bon courage et attention. Et attention, allez, attention, attention. C'est parti pour le morning. Vos 1500 euros tout à l'heure. Vos télés à choper, on jouera à 7h20 Faux Mytho. Et puis Afro Trap, c'est MHD sur Skyrock. C'est parti. Le morning de Difool. MHD dans le morning de Difool. On est chaud. 6h-9h sur Skyrock. Pa-pa-pa-pa. Les bâtards qui partent par intérêt. On paraît tout penser de terre. Apprends des masses, il est tout terrain. Qui veut la bagarre? On fait ta tenue, mon gars, place au combat. On chie pas le pas, tu payes en test. Mon pote qui va gérer mes vêtements. Et ma ça, tu prends les mecs de la heure. Je pense de mon délai, c'est pas si t'as vu. Hey, mon ami, c'est bon, l'enfant, aïe, que bouger ta vie. Marseille, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Nantes, Paris, Bali. Faut que les jaloux, j'y vois ma vie. À 11h, je vis ça à Bordeaux. Gardez, appétit. Quand je marche la boule à du Brésil, imbécile, plus par loin d'ici, j'oublie les galères et les soucis. Gardez appétit, gardez appétit, appétit. Gardez appétit, gardez appétit, appétit. Tout ça n'est qu'éphémère, pas les prix si je te plais pas. Mais mes prises, mes gars sont mes plaies. Ça me fait bizarre quand je vois les gens danser sur la moule. La ouest, les bêtes, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pris du galon depuis la partie 1. Bon, j'ai pas quitté le texte, la rue, la vraie. Après, tu la connais pas la porte. On se titulaire que c'est moi qui le vois, ça passe. Tu parles, on sait que tu ne passes pas. J'ai plus titulaire quand la ligne reste. Gâté, appétit. Quand je me barge la boule à du Brésil. Imbécile, je veux pas loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Gâté, appétit. Gâté, appétit, appétit. Gâté, appétit. Gâté, appétit, appétit. Gâté, appétit. Quand je me barge la boule à du Brésil. Imbécile, je veux pas loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Avec le son de MHD, ça réveille, ça c'était MHD et la partie 5 d'Afrotrap. Afrotrap partie 5. Bon, réveille à vous, merci pour les messages. 41, je vais pas donner les numéros, tiens. Non, 41-759, l'appli Skyrock pour nous envoyer tout ça. Salut Cyril, il nous dit salut l'équipe, salut Cyril, bisous de Sand, bonjour à toi Sand, bonjour à notre facteur, bonjour Jules, la bonne couille vient d'arriver, ça c'est bien, un carriole. Eh bien, on caresse. Salut Chris, salut Nabil, salut Nicolas, salut Kaira, non Kakaï, salut Kakaï, excuse-moi, je crois que tu étais une Kaira, Kakaï, excuse. Monsieur Titanium Braza. Et ce matin, voici le réveil de star à 6h11. Qui est notre star? Alors, la star, attention, je ne sais pas si vous allez la reconnaître. Si vous avez des petits à la maison, il y a des chances que vous le reconnaissiez. Écoutez bien, c'est savoir, on va lui dire bonjour. Dis-lui bonjour, Romano, je sais que tu l'aimes bien. Eh bien, bonjour, monsieur. Oh, salut. Ouais, quoi, c'est. Ouais, oui, non, c'est. Pas, c'est même monsieur, pas monsieur, monsieur, oui, c'est. Salut. Oh, salut. Bah, j'ai reconnu parce que je regarde tous les week-ends avec Cariole. Ah oui. C'est qui? C'est Titeuf. C'est moi, Titeuf. Eh oui, c'est Titeuf. Ouais, Titeuf, il a une voix de merde et une coupe de merde. Oui, bonjour, Titeuf. Bonjour, c'est Titeuf à l'appareil. Ah, bah, c'est lui, Titeuf. Titeuf, qu'on va retrouver avec les familles, il va passer un coup de fil. Allô? Oui, on va appeler. Bah, est-ce qu'il y aura sa chérie Nadia? Peut-être. Là, je ne crois pas dans le coup de fil. Là. Ah, dommage. Je crois par contre qu'il y aura quelqu'un d'autre, toute une famille qui va se réunir autour du téléphone pour se faire réveiller par Titeuf. Grande gueunasse. Bien, oh. Titeuf. Eh ouais. Allez, c'est parti, on y va. Allez, Titeuf, allez, ça allez. Va être ton tour, t'es notre star. Allez, le réveil de star de ce boarding, c'est parti. Le réveil de star. Une star. Une star. Un appel. On écoute. Alors, on appelle la famille de Serge. On a réveillé Serge ce matin. Ah bah, Serge va retomber en enfance. Ah, on va surtout voir ce que ça va donner. C'est parti. Le coup de fil du réveil de star, c'est Titeuf, le dessin animé. Avec la mèche. Ouais. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. C'est, vous êtes qui? C'est Titeuf à l'appareil. Titeuf, oui. C'est pour le poker? Bah oui. Ouais, mais pour l'instant, il ne peut pas vous renseigner. Vous ne devinerez jamais ce qui vient de m'arriver. Allez-y. Une fille absolument super m'a abordé tout à l'heure dans la rue pour me donner un rendez-vous. Oui, sûrement. Vous avez jamais vu une vedette de star ou quoi? Ah non, je fréquente pas ces gens-là, moi. Même que je vais jouer un rôle à Hollywood. À Hollywood? Ah, d'accord. Bah, oui, madame. Oui, bah, la belle connerie, quoi. Hein, Hollywood? L'un d'entre vous veut peut-être des autographes dédicacés? Non, c'est bon. Non, c'est une femme. Elle a cru que Titeuf sortait faire du poker avec son mari. Ouais, c'est ça. Bon, il est pas disponible. Serge, il doit être sur le trône. Et puis il est un peu jeune, Titeuf, pour faire du poker. Ah bah ouais. On a repassé un coup de fil à la même famille. On s'est dit, il y a un bon contact. Allô. Ah, la voilà. Hey, comment ça va, les pauvres nazes? Bon, écoutez, arrêtez vos conneries. Il y en a ras-le-bol, hein. Tu sais ce que c'est, toi, une directrice de casting? J'en ai rien à foutre. Je pourrais parler de toi, ce producteur. Je vous emmerde. T'es vraiment un gros dégueu. Oui, bah c'est pas grave, c'est vous qui commencez à me faire chier. Mon ami va pas tarder à arriver. Continuez, vous allez voir. Embrasse-moi encore une fois, mon amour adoré. Oh ta gueule, connard. Ouais, l'autre elle est quand même en train de s'énerver contre un dessin animé. Ouais, c'est ça. Au début, elle trouvait ça mignon, sur le deuxième appel, beaucoup moins. Oui, moi. Et au troisième appel, elle va faire quoi? Ah, il y a peut-être le mari qui va arriver, ah, il y a son ami qui arrive. On s'est dit, il va sortir des toilettes à un moment ou un autre quand même. Hein. Ah, bah, moi qu'il ait la courante. Mais... Allez, un troisième, et un, et deux, et trois appels. Allez. C'est pas 1 et 2, 3, 0, c'est retour chez Serge. Bonjour, c'est Titeuf à l'appareil. Ouais, Titeuf, va te faire cuire un œuf. Non, mais je comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait? Mais parce que je te connais pas, moi, Titeuf. Je connais pas Titeuf. Je m'en fous. Bon, ça va durer, vos conneries, là? J'ai pas dit mon dernier mot. Je vous emmerde. Moi, je sais depuis hier soir comment faire pour embrasser les filles. Oui, bon, ouais, allez, ça va, hein. Oh, non. Vous arrêtez vos grosses conneries. Tu sais que tu m'embêtes, toi. Bon, ta gueule. D'accord. C'est ça, retourne chez ta mère. Elle, quand elle dit ta gueule, c'est qu'elle va pas tarder à raccrocher. Ah ouais, mais sinon, ils se sont énervés les deux. Oui, bah il est sorti des toilettes au bout d'un moment. Ah bah ça y est. Et ben voilà, on y est arrivé. Au bout de trois coups de fil de Titeuf. Bien joué, Titeuf. Ouais, il connaît pas Titeuf. Ouais, pour Titeuf, va te faire cuire à neuf. Ça, je crois que ça restera l'expression de la matinée. Ah ouais, exactement. Merci, Titeuf, on a bien rigolé. Il est content, Titeuf. Ah bah il est très content. Ouais. Réveil de star tous les matins à 6h10. Là, il est 6h15. Attention. Dans un instant, on joue ensemble le jeu des 6h20. Ce matin, c'est quoi? C'est le chronotune, je crois. Allez, un petit chronotune à 300 euros. Le chronotune à 300 euros. Allez, adjugé vendu. On le fait dans un instant après. Fetty Wap et Trap Queen. Super, ça. C'est le morning de Difool. The morning show. The morning show. 6h-9h sur Skyrock. Zeppo dans mon bendo, j'ai géré cette femme, oui elle est trop nebo. Cambré comme un sirocco avec les quatre pots. Le genre de meuf qui boutant, tu l'invites au McDo. Suffit pas d'un texto pour la voir au resto. Connais tous les fous de Cristiano Ronaldo. Me dit que c'est pas une michto mais elle aime la Nemo. J'ai sorti la Benzo pour la voir au Tello. Mais j'ai déjà ma go, ça va me faire des blèmes pro. And I am with my baby. I just left the mall, I'm getting fly with my baby, yeah. And I can ride with my baby, baby. I be in the kitchen cooking pies with my baby, yeah. And I can ride with my baby, baby. I just left the mall, I'm getting fly with my baby, yeah. And I can ride with my baby, baby. I be in the kitchen cooking pies with my baby, yeah. J'ai arrêté de commettre des délits. Aujourd'hui, je suis dans la musique, j'ai gagné ma vie sans Melly. Je rêve de quitter mon taudis, faire la se froid pour Miami. Plus voir mes parents souffrir. Mon Dieu, donne-moi l'opportunité de voir la maman sourire. À la base, c'était un délire. Aujourd'hui, je suis reconnu, on m'appelle même chez les caries. Et le succès veut qu'on se marie. Mais la route est périlleuse comme dans un rallye. And I am with my baby, baby. I just left them all, I'm getting fly. Kitchen cooking pies with my baby, yeah. And I can ride with my baby, baby. I just left the mall, I'm getting fly with my baby, yeah. And I can ride with my baby, baby. I be in the kitchen cooking pies. Dans mon bendo, j'ai géré cette femme, oui, elle est trop nebo. Cambré comme un sirocco avec les quatre pots. Le genre de de meuf qui pourtant tue la vie au McDo. Suffit pas d'un texto dans mon bendo. J'ai géré cette femme, oui, elle est trop nepo. Cambrée comme un sirocco avec les quatre pots. Le genre de meuf qui pourtant tue la vie au McDo. Mais j'ai déjà ma gourou, ça va me faire des blèmes pro. And I am with my baby, baby. I just left them all, I'm getting fly with my baby, yeah. And I can ride with my baby, baby. I be in the kitchen cooking pies with my baby, yeah. And I can ride with my baby, baby. I just left them all, I'm getting fly with my baby, yeah. And I can ride with my baby, baby. I be in the kitchen cooking pies with my baby, yeah. Gradure sur le morceau de Fetty Wap, c'était le remix Fetty Wap et Gradure. On écoutait Trap Queen sur Skyrock, il est 6h18, c'est l'heure de jouer ensemble. On va jouer au chronotune ce matin, vous allez pouvoir gagner 300€. 300€ cash si vous répondez à la question de sélection déjà. Et si vous êtes le plus rapide, vous vous retrouvez en direct avec nous. Et vos 300€, peut-être dans la poche. Ah oui. Alors, le chronotune avec une question sur l'arrivée des équipes étrangères en France. Ça y est, c'est parti. Oui. On parlait de l'arrivée de l'équipe d'Espagne à l'île de Ré. Ça a bloqué l'île de Ré hier. On en parlait hier soir dans la Radio Libre. On a parlé également de l'arrivée de l'équipe d'Albanie dans le sud de la France, du côté de Marseille. Ouais. Eh bien, les équipes débarquent un petit peu partout en France. De la Suède, dans les infos avec Rémi. Zlatan est en train de... Et ça y est, il est là. Ça y est. Il est de retour. Bon, en même temps, lui, je sais pas, il a peut-être encore son appartement à Paris. Quoi. Oui. Ou il a peut-être tout rendu déjà. Zlatan, il est où, Zlatan? Saint-Nazaire. À Saint-Nazaire. Vous avez de la chance, Saint-Nazaire, vous aurez peut-être Zlatan, un grand Zlatan dans les rues. I feel good. I feel good. Zlatan is the best. Zlatan is the best. Alors, bon, si vous voyez un gars comme ça du côté de Saint-Nazaire, et si vous êtes du côté de Chantilly, vous allez peut-être croiser des Anglais. L'équipe d'Angleterre est arrivée à Chantilly depuis lundi, leur camp de base à l'Euro 2016, et ils ont choisi un endroit un petit peu spécial. Ils vont se retrouver à l'auberge du Jeu de Paume, assez connu dans la région, si vous êtes du côté de Chantilly, dans l'Oise, vous connaissez peut-être, assez connu pour accueillir des soirées un peu spéciales. Ah. La question est, quel genre de soirée accueille cette auberge du Jeu de Paume à Chantilly? Si vous savez, bah vous envoyez vite un message au 41-759 ou sur l'appli Skyrock. Des soirées un petit peu spéciales pour les Anglais. Une auberge un peu... Bah peut-être qu'ils l'ont choisi spécialement pour ça. Un c'est peu peut-être ça, ouais. Bizarre, mais on en reparle tout de suite. Vous saurez tout dans un instant. Et si vous avez une petite idée, vos messages très très vite et 300€ dans votre poche. Allez-y, 41-759, skyrock.fm et l'appli Skyrock pour tout déchirer. Et 300€ à gagner, les pile 6h20. On est sur Skyrock et pour la suite, attention, attention, les Fifth Harmony et Work From Home. Crédit Agricole, partenaire national de l'UEFA Euro 2016, t'offre 200 places pour l'Euro 2016. Skyrock! L'Euro 2016. Ah oui, allez les bleus. Et écoute Skyrock à tout moment et gagne tes places pour les matchs de l'Euro 2016. Merci. À Lille et Lens, Saint-Étienne et Lyon, Nice et Marseille, bien joué. Marseille, bon, Bordeaux et Toulouse. Et au Parc des Princes et au Stade de France. Crédit Agricole, partenaire national de l'Euro 2016. Ouais, vous êtes les meilleurs. Dans la campagne picarde des années 70, un médecin congolais s'installe avec sa famille. Face aux préjugés, ils vont tout mettre en œuvre pour gagner la confiance des villageois. Bienvenue à Marly-Gaumont. Une comédie tendre, décapante et irrésistible d'après Le Parisien. Bienvenue à Marly-Gaumont, un film de Julien Robaldi avec Marc Zinga et Aïssa Maïga, d'après l'histoire vraie de Camille. Actuellement au cinéma, avec Skyrock. Bienvenue sur Smax. Tu as créé ton profil avec une belle photo de toi. Niveau 1, franchi, tu as reçu un Smax. Smax à ton tour, vite. Niveau 2, franchi, tu viens d'obtenir un double Smax. Niveau 3, franchi, délivre la princesse de son célibat. Envoie-lui un message. PS, sois original si tu veux avoir une réponse. Sur Smax, c'est toujours toi le winner. Télécharge Smax. S-M-A-X. Dirty Papi, Jason allait se marier, mais son grand-père s'en est mêlé. Si tu l'épouses, tu vas t'emmerder jusqu'à la fin de tes jours. Et il faut toujours écouter son papi. Lâche-toi un peu. Enfin, sauf lui. T'es à poil. Ce soir, on va pécho. Oh putain. Dirty Papi avec Zac Efron et Robert De Niro, comme vous ne les avez jamais vus. J'en déconne. Dirty Papi, en Blu-ray, DVD et VOD, avec Skyrock. Pour partir tranquille cet été, vérifiez aussi votre pare-brise. Et si vous avez un impact, on le répare si c'est possible. En plus, en ce moment, pour toute intervention vitrage, Carglass vous offre 2 ans d'abonnement gratuit au badge télépéage, valable sur toutes les autoroutes de France. Profitez-en. Carglass répare, Carglass remplace. Offre jusqu'au 2 juillet, conditions sur carglass.fr.

Ah, le soleil commence à se lever. Il va faire chaud hein, aujourd'hui du côté de Toulouse. Ah. Hein. Et on fait météo dans les 3 minutes qui viennent là. T'inquiète pas Nico, mais d'ici là, ça marche. Tu vas peut-être gagner plein d'argent. On va mettre 300 euros sur ton compte. Tu arrives avec la bonne réponse à la question que j'ai posée. Oui. La question de sélection. On parle de l'équipe d'Angleterre qui a pris ses quartiers du côté de Chantilly dans un endroit qui s'appelle l'auberge du jeu de paume. Une auberge très connue du côté de Chantilly pour organiser des soirées un petit peu spéciales. De quel genre de soirée s'agit-il Nico? Des soirées échangistes. Exactement. Ah, bon. Mais également des soirées exhibitionnistes. Ah bah très bien, bah quand même, c'est minimum. Soirée exhibitionniste, échangiste. Ah, nous avons une cliente en ligne. Oui, bon. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ah bah ça a l'air d'aller pas mal. Autant. Vous avez le numéro de ce truc là? Ouais, on l'a, ouais. Vas-y, on va appeler là. Ah bon, on appelle juste après que t'aies gagné de l'argent, Nico, parce que priorité à ton portefeuille ce matin. 300 euros, et attention, le chronotune, c'est un jeu très simple. Il faut répondre très vite à la question que je vais te poser. Tu as 30 secondes pour répondre, et chaque seconde qui s'écoule, 10 euros s'en vont à tout jamais. Romano? Ouais. Romano, si je raccroche maintenant, je parie de 300 euros, c'est ça? Ah non, non, non. Non, non, ça ne marche pas. Il a bien tenté, mais ça ne marchera pas. Il surveille. C'est Romano l'arbitre du jeu. Il n'a pas de chance, Nico. Ou alors tu peux essayer, tu raccroches et tu vois si on te rappelle. Allez, le chronotune, on y va. Ça marche. Le chronotune. Tu sois plus rapide que le chrono et empoche la thune. Ah, une question facile. Enfin, moi, elle me paraît facile comme ça. Alors, attention. Donne-moi tout de suite 5 mots anglais qu'on utilise couramment en France. Top chrono. Oh, c'est chaud. Sandwich. Oui. Sandwich gasoil. Oui. La fin de semaine. Week-end. Oui. Ouais. Un autre sandwich qu'on mange, je tiens chaud. Hamburger. Et hot dog. Oui, ça passe. C'est bon. Ouais, bah, j'étais dans la bouffe. Il y avait également, je ne sais pas, chewing gum, par exemple, un brunch. Ah ouais. Voilà, après, il y a un coach, un hooligan. Il y en a plein, mais il faut les. Cocktail. Ouais, un parking. Bah voilà. Il y en a plein, des mots comme ça. Et tu as gagné. Alors, voilà. C'est simple. Une voiture. Non, Cédric. Non, breton. Non, presque. Bien tenté, presque. Bon, ben, on est pile à la moitié du temps, 15 secondes, donc ça fait 150 euros. Bip. Ça va. Super, merci l'équipe. Et ouais, 150 euros, gros chèque de 150 euros. Reste avec nous, Nico, on appelle cette auberge là, pour savoir un petit peu comment ça se passe, ces soirées échangistes. Allez, passez-moi les. On va te les passer. Alors, ça tombe bien parce que soirée échangiste, c'est le mercredi, ce soir. Ah, ben, parfait. Et le vendredi soir. Eh, ben, nickel, pour une ambiance de folie. Oui, avec donc les Anglais qui vont pouvoir s'amuser là-bas. Alors, c'est parti. Allez, on y va. J'espère bien qu'on y va. Oh, bonjour madame. C'est une cliente, une cliente assidue de cette auberge du jeu de paume. C'est d'ailleurs, elle est habituée avec le footballeur. Allô, allô. Oui, bonjour, je suis à l'auberge du jeu de paume. Exactement. Bonjour madame. C'est vous qui accueillez les Anglais? L'équipe d'Angleterre? Je suis journaliste, je travaille à l'équipe. L'équipe 21. Oui, mais non, je suis navrée, on va pas pouvoir discuter. Je travaille également à Eurosport et je suis avec un ami. Oui, bonjour, je travaille au magazine Coquin Union et j'ai vu que vous. Mais ça me fait beaucoup plaisir, mais je peux rien faire pour vous. Je suis désolée. Et la petite soirée ce soir, on fait comment? La petite soirée échangiste. Moi j'ai mis mon string. Je suis désolée. Ah bah ma femme est déjà prête. Allez, bonne journée, bon courage. J'entends que vous avez un collègue derrière. Oh, c'est bon. Oui, ça c'est bon ça. Oh. Je pense qu'ils étaient en pleine matinée échangistes. Ouais, c'est ça, ils avaient déjà commencé. Ouais. Il y avait un monsieur qui était derrière qui criait. Ils ont commencé sans nous. Merde. Chauffe, oui. Ouais. Bon, bah, désolé pour l'invitation à l'auberge du jeu de paume pour toi, Nicolas. Tu repars quand même avec tes 150 euros. Oui. Ça marche, impeccable. Merci beaucoup, l'équipe. Salut, Nico. Salut, Nico. Merci, toi aussi, salut, Nico. Ciao. Salut, Toulouse. Et vous aussi, vous allez pouvoir débarquer sur Skyrock tout à l'heure à 7h20. Le jeu de 7h20, c'est Info Mytho. On vous offre votre télé. Oui, la Samsung Ultra HD 4. Il y a 101 cm de bonheur. De bonheur et de plaisir. Dans une heure, même pas. Hein, à 7h20 tout à l'heure. D'ici là, il se passe plein de choses. Mais d'abord, les infos, on en parlait. La météo pour aujourd'hui, c'est important. C'est toujours agité dans le ciel, en tout cas sur cette région de France. Et dans d'autres régions, il fait une chaleur à crever aujourd'hui. Dans le sud. Dans le sud de la France, il fera bien chaud aujourd'hui. Bon, météo, c'est parti. Côté ciel, on a encore de la pluie et des orages. Aujourd'hui, sur le nord-est, ça va cogner fort cet après-midi. Et Météo France place 18 départements en alerte orange à partir de midi. De l'Aisne au Jura sont concernés. L'Alsace, la Champagne-Ardenne, la Franche-Comté, la Bourgogne et la Lorraine. Les alertes dans le nord sont levées. En revanche, il reste 3 départements en vigilance crue, à savoir l'Eure, la Seine-Maritime et l'Essonne. Partout ailleurs, eh bien ce sera agréable et surtout sur une large moitié sud où le soleil sera bien visible. Quelques averses possibles cet après-midi en Ile-de-France. Les températures ce matin comprises dans le nord entre 11 et 15 degrés, 14 à Lille et 15 à Paris, de 15 à 20 dans le sud, 16 à Lyon et 19 à Marseille. Au meilleur de la journée, il fera 18 au Havre, 20 à Caen, 22 à Lille et à Clermont-Ferrand, 24 à Paris et à Strasbourg, 25 à Lyon, 26 à Marseille, 28 à Montpellier et 30 du côté d'Avignon. Et puis la pollution, ça reste très moyen. Les indices compris entre 3 et 5. 5 à Orléans, Cherbourg, Poitiers, Bordeaux, Perpignan, Marseille, Lyon, Colmar et Reims. Et le point sur l'actu, tout de suite l'actu et le sport sur Skyrock à 6h32. Les caprices de la météo, ça continue après le centre et l'Île-de-France. Les intempéries frappent désormais le nord et l'est. Une série d'orages a éclaté hier, ce qui a provoqué par endroits des montées d'eau très rapides. Un homme de 71 ans est mort noyé dans sa voiture dans le Pas-de-Calais près d'Arras. Des villages entiers ont été traversés par des coulées de boue à proximité de Strasbourg. Ça ne devrait pas s'arranger aujourd'hui, puisqu'on vient de le dire, 18 départements du Grand Est sont en vigilance orange pour ces orages. Les pompiers sont intervenus près de 1000 fois en quelques heures. La galère qui se poursuit sur les quais de la gare pour le 8e jour consécutif. La grève a été reconduite par Sudrail et Force Ouvrière. Les syndicats se disent insatisfaits du projet d'accord concernant le temps de travail. La CGT ne se prononce pas et s'en remet aux décisions des AG, des assemblées générales. Comptez 3 TGV sur 4, ça c'est mieux qu'hier. 6 TER sur 10 et 1 Transilien, ainsi que 1 Intercité sur 2. Le gâchis des lycées pro, c'est le constat que fait le Conseil national d'évaluation du système scolaire qui publie un rapport aujourd'hui. Les futurs bacheliers se préparent à plancher la semaine prochaine. 40% des 15-18 ans sont scolarisés en lycée pro, une filière encore mal connue et souvent stigmatisée. Le rapport démontre que les débouchés sont peu nombreux, hormis dans les secteurs de l'aéronautique, l'énergie ou la restauration. Un tiers des bacheliers professionnels poursuit ses études et quand ils s'inscrivent en BTS, eh bien, ils sont à peine 60% à décrocher leur diplôme. Une serveuse de bar agressée hier à Nice, elle a été violentée par deux hommes pour la simple bonne raison qu'elle servait de l'alcool aux clients alors que le ramadan a commencé. Les deux agresseurs avaient déjà menacé le dirigeant de l'établissement qui avait porté plainte. On va parler foot maintenant avec peut-être un nouvel entraîneur à Paris au PSG. Et oui, on en parlait déjà la semaine dernière dans les infos le matin. Laurent Blanc vers la sortie, ça se confirme. Le PSG aurait choisi un triple vainqueur de la Ligue Europa pour le remplacer. C'est pas n'importe qui, c'est Unai Emery, le coach de Séville, qui pourrait dire oui au club de la capitale. C'est vrai qu'il a fait des prouesses à Séville puisqu'il vient de remporter donc 3 Ligue Europa, mais alors d'affilée, un consécutif, ce qui est quand même un record. Les discussions seraient très avancées et l'annonce quasi imminente. Donc on attend ça avec impatience. Ouais, moi je trouve ça triste ce qui se passe au PSG. Il n'y a plus Zlatan, il n'y a plus Laurent Blanc. Ah oui, mais c'est une nouvelle ère. On ne change pas une équipe qui gagne, on le dit, hein, on le dit, on verra l'année prochaine. Bah oui. Bon, nous on s'occupe de l'Euro ce matin avec vos places pour l'Euro à gagner à n'importe quel moment du morning. Vous gagnez un gros gros match, je vous l'annoncerai tout à l'heure, restez bien dans le coin. Il est 6h34 sur Sky. 6h-9h. Parti pour le morning de Difool. Difool. The morning show. The morning show. Le morning de Difool. C'est tout de suite sur Skyrock. Et oui, avec vous en direct toute la matinée, vous pouvez nous appeler au 01 53 40 30 20. Merci pour vos messages aussi. On salue Toto du 44. Rafik nous dit fait 25 degrés, c'est bon. Mais ça le temps pour les gros. Eh oui, ça le temps pour les gros. Eh, ça le temps pour le ramadan aussi, hein, quand il fait chaud. Ah, ça, tu m'étonnes, ouais. Bonjour à Doche qui est là aussi. Bonjour à Murat, à Simon. Et avant 7h du matin, on aura le sondage du jour et on va aider Romano parce qu'il a quelques petits problèmes ces temps-ci dans sa vie. On va te filer un coup de main parce qu'on est solidaire. Alors, on t'aime, Romano. Pour quel problème? Mon téléphone bloqué, mon problème de carte bleue, ou alors mon changement de pneus que je ne peux pas faire parce qu'il faut que je paye mes pneus. Ou alors un ami à toi qui souffre le martyr à cause d'une tendinite. Quel est le problème qu'on va traiter avant 7h du matin? Vous aiderez Romano, je lance un appel. Hashtag morning de Difool. Sauvons Romano. Je ne sais pas pourquoi, mais sauvez-moi. Non, mais je t'ai fait une belle surprise. Ah, bah tant mieux, j'espère. On va s'occuper de toi. Et là, on va vous annoncer, on vous l'a déjà annoncé, mais si vous n'étiez pas à l'écoute, il faut qu'on vous le redise quand même. L'événement de la semaine, c'est vendredi, le match France-Roumanie. Et l'événement de la semaine dans le morning, c'est l'arrivée d'une nouvelle star qui va venir animer le morning avec nous à partir de vendredi pour chaque match de l'équipe de France. Il est là, il est beau. Il s'appelle Bébête, c'est le chien de Romano et de Carriol. Il s'appelle pas Bébête, il s'appelle Mémette déjà. Ah, Nénette, c'est le chien de Romano. Bonjour, Nénette. Non. Je crois, ouais, quoi, c'est plus le chien de Carriol que moi. Moi, il s'en fout de moi. Non, mais bon, non, mais autant être honnête. C'est pas vrai, Romano, tu dis ça parce que t'as l'impression qu'il préfère Carriol, mais pas du tout. Regarde, dis bonjour à Romano. Comme il est mignon. Tu vois, il y a un problème. Ouais, il y a quelque chose. Oh, il est mignon. Il y a un truc entre nous. Bon, si, même bien quand je lui donne à bouffer. Et ben voilà, tu vois. Aujourd'hui, il est pas là. Hein. Mais vendredi, il sera là vendredi matin et on fera les pronostics de l'équipe de France. Ouais. Pronostics pour le match France-Roumanie. On va voir ce qu'il va nous dire. C'est lui, notre pronostiqueur officiel cette année. Hashtag morning de Difool, hashtag bébête. Mémette. Ah, Mémette, notre pronostiqueur officiel. C'est moi qui suis bébête. Excuse-moi, Cédric, j'avais mélangé, mélangé les deux. Attention. Eh ben, justement, moi, je voulais vous parler d'un truc, parce qu'on en parle régulièrement dans l'émission, les chiens sont rigolos. Ouais. Les chiens donnent de l'amour. Ah, moi, j'adore regarder les vidéos de chiens sur. Les vidéos de chiens et de chats sur Internet, le net, ouais. Ça cartonne. Si vous avez un animal, on a élu le plus bel animal du morning la semaine dernière. Si vous en avez un et qui vous a foutu la honte, racontez-nous, parce que ça, c'est toujours marrant. Parce que les chiens, ça comprend rien. Par exemple, c'est sans gêne, en fait. Ah oui, t'as une meuf qui a une jupe, elle s'est pas lavée. Le chien, il va directement foutre sa truffe entre les cuisses. Ah, bah ça, c'est clair. Ça pue, qu'est-ce que c'est? Ah, bah ça, les chiens ont une particularité, c'est qu'ils adorent quand ça pue. Plus ça pue, plus ils kiffent. Elle pue, la dame. Oui, bah ça, il adore. Bon, dans un instant, un petit sondage à propos des chiens. Ouais. Et des chiens qui vous ont foutu la honte. Donc, si vous ont foutu la honte, vous nous racontez ça, car je pense que tu as plein d'histoires pour nous. Plein. On se prépare. Ah, mais on va être gâtés. Et à 6h30. Par contre, t'as choisi une, hein, on va pas passer la matinée là-dessus non plus. je vous préviens, c'est une carriole qu'on la lance sur les chiens. Ça s'arrête plus. Il vous fout la honte tant que ça. Bah, oh, ouais, il oui, l'a oui. fait, ouais. Ouais. Bon, allez, on s'en occupe tout de suite. Restez bien dans le coin. Et tout de suite, le son de Florida. Florida, même pour les Américains. Ah, yeah. On file là en Florida. Et c'est parti avec My House à 6h38. C'est le morning de Difool. The morning show. 6h09h sur Skyrock. Something cold, baby, cheers to this. Sometimes you gotta stay in, and you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in, and welcome to my house. Baby, take control now. We can't even slow down. We don't have to go out. Welcome to my house. Play that music too loud. Show me what you do. Morning comes and you know that you wanna stay. Close the blinds, let's pretend that the time has changed. Keep our clothes on the floor, open up champagne. Let's continue tonight, come on, celebrate. That's how we do. Sometimes you gotta stay in, and you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in. Welcome to my house, baby, take control now. We can't even slow down. We don't have to go out. Welcome to my house. Play that music too loud. Show me what you do now. We don't have to go out. Welcome to my house. Welcome to my house. Welcome to my duck off the crib, the spot, the pad. But my house is your house if you throwing it back. Another shot of vodka, you know what's in my glass. It's my house, just relax. Welcome to my house. Baby, take control now. We can't even slow down. Hit the brakes, we don't slow down. Have to go out. Cheers to this. Welcome to my house. It's my house, on Skyrock. On écoutait le son de Florida. Parlant de maison d'ailleurs, tiens, on parle des animaux qui vous foutent la honte. J'ai le message de Xav du 80. Salut à toi, Xav. Mon beagle a pissé sur la jambe d'une ancienne prof que j'avais croisée dans la rue. Ça, c'est super. Belle vengeance, ouais. Et en parlant de maison, il y a Nini 2A. Encore, salut Nini, mon chien est rentré chez la voisine, à la maison de la voisine, et il a pissé dans son couloir. Ah, ben nous, ça nous est arrivé, ça. Trop la honte, elle nous dit. Dans un ancien appart, on avait un long couloir en fait dans l'immeuble. Oui. Et je sais pas, le chien, on avait l'habitude, on le faisait courir dans le couloir. Et un soir, la porte du bout, elle était ouverte. Le chien, le chien, il a cavalé. Il y avait, je me souviens, il y avait le mari, il était déjà couché, il s'est jeté dans le lit avec le mari. Qui a poussé à hurlement, il a fait ah. Imaginez, vous êtes couché chez vous dans votre chambre, il y a un animal qui vous saute dessus pour vous faire la fête. Non, mais il est arrivé, mais tu sais, il a pris toutes ses forces, genre comme les courses de chiens, tu sais, genre il a pris de l'élan, mais comme dans les pubs, il s'est jeté sur le mec dans le plumard. Le mec fait ah. Après, donc la bonne femme, elle le rappelle, elle fait viens par là, viens par là. Là, il se met dans l'entrée, position urine, et il pose une plaque, mais pff, un truc mais monstrueux. Et bien, même chose pour Nini. Il y a Sydney qui nous a envoyé un message qui dit: moi, mon chien se frotte sur toutes les filles que je ramène chez moi. Et en plus, elle trouve ça mignon, elle dit rien. J'aimerais être à sa place des fois. C'est vrai, hein, quand t'as un chien, tu peux faire n'importe quoi, les filles, elles t'engueulent pas. Un chien peut se frotter sur carriole alors que Cédric a déjà essayé. Et il s'est pris une baffe. Il s'est pris une baffe. Ouais, c'est bizarre. Le chien se fait caresser. Moi, poisson rouge est sans limite, il fait pipi dans son bocal. Waouh. Ouais, même temps, tu veux qu'il a, il va pas sortir de son bocal pour aller aux toilettes. Hein. Aucun respect, le poisson rouge. Ma chienne est trop une chaudasse, quand je la promène dans la rue, elle donne son cul à tous les chiens qu'elle croise. C'est horrible. Elle se fait sentir. Oh, bah, elle doit sentir bon. Oui. La chatte de ma copine, elle mouille partout. Oh non. Ah bah oui, c'est classe ça, tiens. Quoi, non. Ah, je veux dire qu'elle pisse partout dans la maison. Ah oui. Ah, ah. C'est pas ce que vous croyez, hein. C'était Lucas là, qui nous envoyait ce. Oui, on a eu peur. Carriole, dès vendredi, il sera là avec nous. Oui. C'est Nénette, ton Mémette, chien. Mémette. Voilà, c'est sa tête-tête, le chien de Romano. Non, pas tête-tête non et, plus. Et de Carriole qui Mémette. Débarque pour faire les pronostics. Il pronostiquera France-Roumanie, il a déjà une idée, il se concentre, il regarde les infos un peu partout. Là, il se concentre et il est en train de regarder BFM en ce moment, il fait quelques pronostics, il commence, puis à réfléchir un petit voilà, peu. Voilà, mais le plutôt, je sais pas, sur Bein peut-être. Parce que BFM, l'autre, il va nous pronostiquer, je sais pas quoi. Les prochaines inondations, alors, c'est pour quand. Mais je suis pas sûr qu'il ait vraiment le nez. Mais si, il a un gros nez. C'est vrai, oui, non, mais il a un gros nez, mais. À part moi, je crois qu'il a le plus gros nez de l'équipe. Hein. Ah ouais, c'est clair. Hein, c'est sûr, c'est sûr. Mignon, hein. Et il fait des crises d'éternuement en ce moment, il a des allergies. Faut qu'il nous en fasse une vendredi matin. Ah non, ça va te mettre à bout de nerfs. Non, hein. Ah non, moi ça me fait rire, mais Carriole, elle a peur parce qu'en fait, tu sais, il fait des grands mouvements de tête et Carriole a peur qu'il se râpe la truffe sur le sol. Elle est tellement intelligente qu'il donne des coups de boule par terre. C'est vrai. Les chiens que vous ont foutu la honte, la pile Duracell qui nous écoute. Bonjour la pile Duracell. J'ai un rot croisé avec un petit rat. Ce qui m'a surpris, c'est que ça a de la force. Elle tire et j'ai glissé sur l'herbe. Trop la honte. Ah oui, devant tout le monde, c'est sûr. Ouais. Moi, mon chien renifle sous les jupes des filles. J'aimerais bien être à sa place. Toi aussi. Je m'étonne. C'est fabuleux. Ouais, en général, les chiens qui sont sous les jupes des filles, c'est que ça n'a pas sentir très bon. Ah oui. Eh bien, 81% des maîtres de chiens se sont déjà sentis mal à l'aise. Peut-être qu'ils vont nous foutre la honte vendredi matin, ça va être super. Quand leur chien a déjà fait une connerie, par exemple, renifler les fesses d'un invité ou d'un inconnu. Ah bah, et Cédric, il venait, quand il venait à la maison, souvent, il se masturbait sur lui. C'est vrai. Il faisait la fête, Cédric. Sûr, ouais. Le chien, il se frottait contre toi. Voilà, c'était pas fait pour me déplaire. Je ouais, sais. Bien sûr. Et sachez que c'est terrible pour le chien de Romano. Il est doté d'un fantastique odorat pour vos chiens à vous. De 10 000 à 100 000 fois plus selon les espèces, plus puissant que l'homme. Vous imaginez le chien. Bah, on parlait de Cédric, tiens. La rencontre entre Cédric et ton chien, mais ça doit être horrible pour lui. Ah ouais, qu'est-ce qu'il prend dans le nez, mon pauvre chien? Il va mourir asphyxié. C'est un truc de fou, ça. Eh bien, on salue nos animaux et on vous l'a annoncé donc vendredi matin pour les pronostics de l'Euro, on les fait ensemble. Eh bien, ce sera Nénette qui nous fera les pronostics dans l'émission. Très bien. Ouais, on va s'en occuper, ça. On n'a pas un propriétaire de chien, là, je vous rigolais? Si, si. Ah bah allez, vas-y, on peut y aller, alors. Tiens, ben Romano, tu vas dire que t'es ma femme, tu te balades en jupe. Ouais, et le chien arrête pas de me renifler, ça me gêne. Oui, exactement. Le French Test sur Skyrock. Et donc, c'est parti. Propriétaire de chien, qui c'est? Là, c'est Dudul, et en fait, il a un bouvier bernois. Dudul. Mais c'est le nom du chien, Dudul. Je pense, ouais. Sinon c'est pour lui comme prénom. Ouais. Oui. Je pense que c'est le nom du chien. C'est mignon. Oui, bonjour. Oui. Oui, vous êtes la maîtresse à Dudul. Oui. Bonjour, madame, comment allez-vous? Ça va. Je vous appelle avec mon mari ce matin. Bonjour, madame. Et monsieur. C'est monsieur Lapince. On a un petit problème avec Dudul. Oui, allô, madame. Allô? Allô, Dudul? Elle est allée voir son mari. Ou alors elle en parle peut-être au chien. À Dudul directement. Elle est là. Dudul. Ça me fait penser à quelqu'un qui appelle. Il a à la chanson paillarde. C'est l'habitat Dudul. Tu vas comment? Allô? Allô, Dudul? Vous êtes le propriétaire de Dudul? Oui. Bonjour, monsieur. Oui, je vous passe mon mari. Oui, je me permets de vous appeler. Dites voir, votre chien, faudrait quand même le dresser un peu mieux parce que à chaque fois qu'il croise ma femme, il met son gros museau sous sa jupe. C'est toi, ma femme. Bah non, mais moi je suis ton mari, donc je peux pas être ta femme en même temps. Mais t'es mon mari, mais tu te balades en jupe. Oui, je suis le mari. Et... Oh, oh, c'est pas possible. Il m'appelle le mari. Et puis nous, on voulait parler à Dudule. T'as tout mélangé, mais Dudule, c'est un chien, Romano. Il y en a qui parlent. Hein. Bon, bah écoutez, c'est la bite à Dudule. Et c'était donc la famille de Dudule. Oui. On a découvert ce matin sur Skyrock. C'était magnifique. Mignon, tout là. Ah ouais. Alors, on va lancer tout de suite l'appel spécial pour toi, Romano, pour résoudre des problèmes de ta vie de tous les jours. Si vous avez des problèmes, vous pouvez nous appeler, vous le savez. Mais quand on a des problèmes dans l'équipe, on fait appel à vous. Ouais. On va parler, j'ai trouvé un sondage spécial pour toi. Les problèmes de téléphone qui vous énervent, c'est le sujet du sondage du jour. Ah le ben sondage d'ailleurs. Du jour qui arrive dans 5 minutes. Donc je vous reparle de mon problème qui est faussement réglé. Hier, on m'a beaucoup aidé, mais en fait, bon, ce n'est pas bon. Parce qu'il nous en a déjà parlé hier dans la radio libre. Mais malheureusement, le problème de son coup de puc n'est toujours pas réglé. Oui. On reparle de ce problème et on va connaître les problèmes de téléphone qui énervent le plus des Français. Je suis puqué. Tu es puqué. Ouais, complètement puqué. Le sondage du jour arrive tout de suite. Dites-nous d'ailleurs si vous avez eu des problèmes avec votre téléphone. Qu'est-ce qui vous énerve avec votre téléphone? Vous nous faites signe. On va voir si ça correspond au sondage qui arrive. Et l'horoscope arrive dans une minute sur Skyrock, 6h47. Leclerc. Juliette, toi, ma vraie fan de foot et supporter de notre équipe nationale, avec moi chez Leclerc. Pourquoi chez Leclerc? Eh bien, parce qu'en ce moment, chez Leclerc, il y a le grand jeu de la Ligue des supporters avec plein de maillots de foot à gagner de toute beauté. Devenez le meilleur des supporters grâce au jeu La Ligue des supporters. Du 1er 11 juin chez Leclerc, tentez de gagner un maillot de foot dès 25€ d'achat ou pour l'achat de 3 produits partenaires du jeu. Voir modalité dans les magasins participants. Un maillot pour chanter tous ensemble. Allez, la France! Pendant ce temps chez Renault, bienvenue aux portes ouvertes. Du 9 au 13 juin, la French Touch Renault présente ses plus grands hits comme Twingo, Clio, Captur dans une compilation d'offres exceptionnelle. Et la French Touch vous sort le grand jeu à gagner une nouvelle Renault Mégane GT. Vous avez bien entendu, une nouvelle Mégane GT. Alors, à vous de jouer et rendez-vous dans le réseau Renault. French Touch, la touche française. Règlement du jeu dans le réseau. Ouverture sur l'autorisation, voir Renault.fr. Et l'horoscope de l'amour, c'est parti sur Sky. L'horoscope de l'amour sur Skyrock. L'horoscope de ce mercredi 8 juin, les Sagittaires, les Scorpions, vous avez 0 sur 5, c'est votre puissance amoureuse, elle est calculée entre 0 et 5, vous le savez. Eh bien vous, aujourd'hui, vous voulez tout contrôler, bon, à part énerver les autres, il n'y a pas beaucoup de résultats qui sont attendus. Aïe. Prenez les choses comme elles viennent, ça se passera mieux. 1 sur 5, les Capricornes et les Béliers, vous vous focalisez trop sur ce que les autres pensent de vous, restez fidèles à vous-même et tout ira bien. Les Capricornes, les Béliers, vous avez 1, 2 sur 5, les Cancers et les Lions. Ouais. Attention, petit malentendu en amour aujourd'hui, ça peut créer quelques petits conflits aujourd'hui. 3 sur 5, les taureaux et les gémeaux, vous êtes en mode tranquille, vous vous laissez tranquillement aller et vous laissez les autres venir vers vous, surtout si vous êtes célibataire, et bien sachez que ce sera efficace. 4 sur 5, les Verseaux. Ah, enfin. Et les Balances, vous serez récompensés aujourd'hui de tous les efforts que vous avez faits ces derniers temps pour faire plaisir à votre chérie ou pour séduire une chérie ou un chéri. Magnifique. Les Verseaux et les Balances, vous avez 4. Et 5 sur 5, les Poissons et les Vierges. Ah. Les Poissons et les Vierges. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, cette journée démarre au top et se finira au top. En gros, vous serez au top tout ce mercredi. Ah, bah, 5 Bravo. Sur 5, normalement, ça devrait aller, ouais. Oui. C'est pour les Poissons, c'est pour les Vierges. Et dans un instant, notre sondage du jour, comme tous les matins, le sondage ou la compile du jour. Voici tout de suite les problèmes qui vous énervent au téléphone. Oui. Dites-nous ce qui vous énerve avec votre téléphone. Et on pourra dépuquer. Et si vous avez une idée pour le code PUC de Romano, il a perdu son code PUC, son téléphone est bloqué. Vous nous dites aussi, on en reparle tout de suite. C'est Ritza dans le morning de Difool. Écoute mon nouveau son sur Skyrock. Je me lance, je m'en fiche de ce que les gens pensent. C'est les regards qu'on me lance, désormais je m'en fous. Et j'avance, tant pis si cela t'offense. Ton avis n'a pas de sens, aujourd'hui je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour, j'entends plus, je fais le je m'en fous. Je m'en fous. Arrête, tu sais plus rien ne me blesse. Tu perds ton temps, tu me testes. Mais moi, je m'en fous. Et au fait, non, je ne retourne pas ma veste. Que tu partes ou tu restes, finalement, je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour, j'entends plus, je fais le tour. Je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour, j'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour, pourquoi tu me tournes autour? Laisse-moi faire mes affaires, je te laisse faire des efforts, quitte à tout foutre en l'air. Ouais, au fond, je m'en fous, rien à faire. Tu as raison, oui, j'ai tort. Moi, je préfère me taire. Ouais, au fond, je m'en fous. M'en fous, c'était Ritza sur Skyrock. Oh, on aura pu faire toute l'émission sur les animaux. Je voyais tous les messages que vous nous avez laissés sur les animaux qui vous avaient foutu la honte. Mon chien, il a mangé le petit lapin qu'on avait offert à ma petite sœur de Vénézio. Il avait faim. Il avait faim. C'est mignon. Non, mais il y en a plein des messages comme ça. Il y a des chiens bizarres aussi. Tiens, mon chien, il aboie que quand il y a des blacks qui passent. Bah, moi, j'avais un chien qui vivait au Congo. Quand il a dérivé en France, il voyait des blancs et il jappait aussi. Il n'avait pas l'habitude. Il voyait des gars blancs. Il était là. Nous, il nous fout la honte. Tu sais, il a peur des fauteuils roulants. Tu vois. Bah ouais, les chiens, c'est comme ça, c'est marrant. Bah, en fait, lui, il croit que c'est un animal, tu vois. Et tu sais, un animal à roule la honte parce qu'il jappe. Genre, tu sens de l'immeuble, il y a quelqu'un en fauteuil roulant qui passe, il se met à hurler dessus, mais genre vénère, tu vois. Et tu dis, oui, désolé, il aime pas trop. Oui. Il aime pas trop les objets roulants, il aime pas trop les trottinettes non plus. Ouais, c'est vrai. Bon, on refera peut-être un truc sur les animaux. On en reparlera de façon vendredi, puisque Nénette vient pronostiquer. Mémette. Tétette vient. Ouais, c'est ça, excuse-moi, car je me trompe sur le prénom du chien. Bah, forcément, c'est pas évident. Vient pronostiquer les matchs de foot, le match de l'équipe de France vendredi, avec le match de l'Euro à suivre entre 21h et minuit. Le sondage du jour, les problèmes de téléphone qui énervent. Romano, t'es arrivé tout énervé hier dans la radio libre, mais heureusement, au bout de 5 minutes, tu retrouvais le sourire grâce aux auditeurs et aux auditrices de Skyrock. Ouais, mais là, je l'ai reperdu. Et là, il a reperdu le sourire. Sa carte puque. Non, en fait. Son code puque, pardon. Voilà, ouais. En fait, mon téléphone, il est bloqué, ça me demande le code puque. Oui. Alors hier soir. On nous dit, c'est sur la carte SIM. Encore ouais. Même message qu'hier. Carte SIM, t'as ton code puque. Cette nuit, je me suis mis à 4 pattes. Dans mon placard. Comme le chien. Voilà, c'est ça. Mmh. Et j'ai cherché ma carte SIM, je l'ai retrouvée. Mais alors, a priori, moi, c'est une vieille. Et t'as pas de code PUC. Et dessus, il n'y a pas de code PUC. Il y a juste marqué la date de fabrication. Alors, comment qu'il retrouve son code PUC? Parce qu'on nous dit sur la boîte d'origine de ton téléphone, c'est ce que je t'ai dit ce matin. Regarde Kevin qui envoie le message. Non, il n'y a pas. J'ai regardé aussi, j'en ai profité. Sur l'étiquette avec les codes barres, on nous dit. Non, il n'y avait pas. Non, c'est pas le ça. 06 dièse dièse 06, il y a plein de messages qui mettent ça. Il faut appuyer comme ça et rester, je sais pas. Je sais pas. Essaye, Romano, ça va peut-être Ouais, non ça affiche le numéro IMEI du téléphone. Ouais, peut-être. Le numéro de sécurité. C'est pas le même code. Faut juste que tu appelles ton opérateur téléphonique, ils te donneront ton PUC et peut-être des cheveux. Je leur demanderai à Orange. Très bien. Orange, soyez sympa. D'ailleurs, si quelqu'un travaille chez Orange, il pouvait me dépanner dans la matinée, ça m'aiderait bien. Ami Orange, appelez-nous. Regardez dans vos fichiers là. 41759, l'appli Skyrock et le hashtag Morning de Default. Sinon, les problèmes de téléphone qui énervent. Qu'est-ce qui énerve le plus les Français? Bah, quand ça marche pas. Hein. Oui, non mais. à cause de non, quoi? Pas de réseau. Pas de réseau. Pas de réseau, vous dites. Ah ouais, moi c'est dans le classement, c'est vrai que c'est énervant. Ou alors quand t'as plus de batterie. Ou la batterie, j'allais dire aussi. Ah, et bah écoutez, c'est la batterie en 1. Ah bah voilà, tiens, pim dans le cul. La batterie qui se décharge trop vite. Non mais, moi j'ai un iPhone, c'est une vraie saloperie. La batterie, mais tu la décharges en une demi-journée. Ouais, mais toi t'as ton code PUC. Oui, ah, c'est vrai que moi j'ai mon code PUC. Alors moi, je préfère avoir limite plus de batterie que mon problème de code PUC. 91% des Français qui ont un téléphone ont déjà été victimes d'une batterie qui se décharge trop vite et ça les a énervés. En 2, c'est le manque de réseau à 66%. En 3, un bug où plus rien ne fonctionne, où il faut l'éteindre et rallumer. Ça m'est arrivé l'autre jour, le machin était bloqué. Ah ouais, ouais, ça arrive souvent. Alors on m'appelle, je fais décrocher. Voilà, alors là, la main pourrie est en action sur son écran tactile. Ça m'a énervé. En 4, internet qui rame. Ça rame tout le temps. Ouais, bon, ça c'est un peu comme le réseau quoi. Et en 5, Romano, l'oubli du code PIN ou du code PUC. Le code PUC, je l'ai pas oublié, je l'ai jamais connu. Donc. Le code PIN et le code PUC en 5, tu vois, tu fais partie

twisted or being a fan. Credit cards and the scams, hitting the links in the van. Legacy, fan. Why is he look like a panda? Going out like a Montana. Only killers on the hands. Legacy, fan. Why is he panda? Packers full, Danny. Selling ball, candy. May not the macho like Randy. The chopper go out for granted. Then they could pull up your band. Hope you killers understand me. Panda. Panda, sur Skyrock, on écoutait Designer, le bon son de Designer à 7h01. Le son pour se réveiller dans un instant, Mike Posner, on aura du Rihanna. Tiens, souvenir de Rihanna, on écoutera Please Don't Stop the Music, Music, Music, avant 7h30. Et à 7h20, tout à l'heure, votre télé a gagné. On vous offre la nouvelle télé Samsung, la télé 101 cm, la Smart TV. Smart TV, Ultra HD, 4K. Ouais. Tout ça pour vous, ce sera avec Info ou Mytho. On joue à Info ou Mytho à 7h20, t'es bien le rendez-vous. Les nouveaux cadeaux du morning à l'occasion de l'Euro 2016 et évidemment vos places de l'Euro à gagner. Elles sont pas encore tombées ce matin. Non. Elles tomberont tout à l'heure. On a des places de folie encore ce matin. Restez bien dans le morning. Restez bien avec nous. On vous offre ça tout à l'heure. De l'argent. Et oui, on parle d'argent avec les conseils pas chers à 7h10. Et les vacances, ça coûte cher. Faut commencer à y penser là. On est mi-juin. Tu nous fais des vacances gratuites? Ouais, bah on va essayer, ouais. Ah, on essaye ce matin les vacances gratuites pas chères. Ça, c'est bien. Et puis bon, les 1500 euros juste après les infos. C'est parti, Rémi, l'actu. Ouais. Et on va parler météo. Et ben ouais, parce que ça a bougé dans le ciel et ça va encore bouger aujourd'hui. Et on a encore de la pluie et des orages. Malheureusement sur le nord-est, hein, ça va cogner fort cet après-midi. Météo France place 18 départements en alerte orange à partir de midi, hein, de l'Aisne au Jura, cela concerne l'Alsace, la Champagne-Ardenne, la Franche-Comté, la Bourgogne et la Lorraine. Les alertes dans le nord sont levées, par contre, il reste encore 3 départements en vigilance crue, à savoir l'Eure, la Seine-Maritime et l'Essonne. Partout ailleurs, eh bien, ce sera agréable et surtout sur une large moitié sud où le soleil sera bien visible. Quelques averses possibles cet après-midi en Île-de-France. Les températures ce matin, on a 12 degrés à Laval, 13 à Beauvais, 14 à Lille et à Annecy, 15 à Metz et à Paris, 16 à Toulouse et à Lyon, 17 à Toulon, 19 à Marseille et 20 à Perpignan. Dans l'après-midi, il fera 18 à Boulogne-sur-Mer, 20 à Belfort, 21 à Dijon, 22 à Saint-Etienne et à Lille, 24 à Paris, 25 à Nantes et à Lyon, 26 à Marseille, 29 à Perpignan et 30 à Mont-de-Marsan. Et puis la pollution, c'est très moyen aujourd'hui. Les indices sont compris entre 3 et 5. 5 à Orléans, Cherbourg, Poitiers, Bordeaux, Perpignan, Marseille, Lyon, Colmar et Reims. Et le point sur l'actu tout de suite, l'actu et le sport. C'est parti. Et après le centre et l'île de France, les intempéries frappent désormais le nord et l'est. Une série d'orages a éclaté hier, ce qui a provoqué par endroits des montées d'eau très rapides. Un homme de 71 ans est mort noyé dans sa voiture dans le Pas-de-Calais près d'Arras. Des villages entiers sont traversés par des coulées de boue à proximité de Strasbourg. Et depuis hier, des voitures sont carrément sous l'eau par endroits. Les pompiers sont intervenus près de 1000 fois en quelques heures. Ça ne va pas s'arranger aujourd'hui, puisqu'on a, on vient de le dire, 18 départements du Grand Est qui sont en vigilance orange. Là aussi, on attend encore de forts orages dans la journée et notamment cet après-midi. Intempérie ou pas, c'est toujours le bazar du côté de la SNCF. 8e jour de grève consécutif. Le mouvement a été reconduit par Sudrail et FO, Force Ouvrière. Les syndicats se disent insatisfaits du projet d'accord concernant le temps de travail. La CGT ne se prononce pas et s'en remet aux décisions des salariés en Assemblée Générale. Comptez 3 TGV sur 4, 6 TER sur 10, un Transilien et un Intercité sur 2. Une serveuse de bar agressée hier à Nice. Elle a été violentée par deux hommes pour la simple raison qu'elle servait de l'alcool aux clients alors que le ramadan a commencé. Les deux agresseurs avait déjà menacé le dirigeant de l'établissement qui avait porté plainte. Les individus auraient été identifiés mais pas encore interpellés. Un prêtre en garde à vue à Auch dans le Gers. Il est soupçonné de viol et d'agression sexuelle sur une septuagénaire. Le curé d'origine béninoise a été déchargé de toute fonction pastorale. Il officiait dans le département depuis 6 ans et risque désormais une mise en examen. Euro J-2, les dernières nouvelles des Bleus tout de suite. Ouais, les Bleus qui se préparent à fond en effet à deux jours de l'Euro. C'est le moment de se mettre dans la petite bulle comme on dit, de se concentrer entre Bleu. Les hommes de Deschamps ont fait leur dernier entraînement public hier. Terminé donc les fans et les journalistes à partir d'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle un huis clos et il doit permettre aux sélectionneurs de faire ses tout derniers réglages. Allez, un bon plan quand même si vous êtes fan de l'Allemagne. La championne du monde en titre, la Mannschaft, s'entraîne du côté d'Evian alors que la Suède de Zlatan a choisi Saint-Nazaire comme camp d'entraînement. L'Espagne qui ne se rassure pas à quelques jours de la compétition. Dernier match de préparation hier et une défaite pour la Roja contre la Géorgie qui n'est même pas qualifiée. Score final 1-0. Première rencontre officielle pour les Espagnols lundi prochain contre la République tchèque. Ah ouais, c'est chaud ça. Ouais, ouais. Alors, on va voir. Hein. Oui. Et puis une bonne nouvelle à deux mois des JO de Rio, Jimmy Vico est très en forme. Le sprinter français a couru le 100 mètres hier en 9 secondes 86 au meeting de Montreuil en région parisienne. Il égale son propre record d'Europe et signe même la meilleure performance mondiale de la saison. Il reconnaît que ce sera difficile, voire même impossible d'aller chercher Usain Bolt. Mais un podium au JO est largement possible. Bah, en tout cas, comme quoi, les chips, c'est bon pour courir vite. Eh ben ouais. Eh oui, merci Vico. Cédric n'avait pas compris la blague, donc j'explique. Merci Vico. Jimmy Vico, il s'appelle. Ouais, et le roi de la pomme de terre, c'est bah, Vico. Vico. Ah, bah, c'est Vico, oui. Voilà. Merci Rémi, à tout à l'heure. Il est 7h05 sur Skyrock. Aujourd'hui, c'est mercredi. C'est mercredi. Et c'est le morning de Default. The morning show. En direct sur Skyrock. Ah, tiens, il y en a qui ont vu les Belges du côté de Bordeaux. Oui, les Belges sont arrivés du côté de Bordeaux vers Chaban-Delmas. Il y a FF27 qui nous envoie un message. Et les Anglais sont à Chantillon, on sait, puisqu'on a appelé tout à l'heure l'hôtel. Ah ouais, parce qu'ils sont dans un hôtel où il y a des soirées échangistes. Ouais, c'est ça, Libertine et tout ça. Donc on a passé un petit coup de fil ce matin vers 6h30. Et les Espagnols sont arrivés sur l'île de Ré également. Oui, exactement, les Espagnols. À l'île de Ré. Eh si. Si, ça a bloqué toute l'île de Ré hier. Oui, on avait dit des auditeurs, le pont était bloqué, convoi exceptionnel. À beau bordel. Bon, attention, 1 500 €. Tiens, tu vas ouvrir l'enveloppe. J'ai très mal à mon épaule, Romano, tu sais. Ça commence. Tiens, je te donne l'enveloppe des 1 500 €. On va passer un petit coup de fil, vous offrir de l'argent ce matin. D'ailleurs, hier, c'est tombé. On était du côté d'Oyonnax dans l'Ain, c'est tombé chez Elodie et Jamel, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bravo les amoureux. Ils vont partir en vacances grâce aux 1 500 € de Skyrock. Oui. Eh bien, bonnes vacances. Nous, les 1 500 €, vous en faites absolument ce que vous voulez. Bonne chance d'avance. On prépare les places de foot tout à l'heure. Gros match à gagner. On essaiera de faire ça avant 8h. Tiens, avant 8h du matin, on essaie de prendre le temps pour vos places de foot à gagner, vos places de foot pour l'Euro 2016 avec le Crédit Agricole. Skyrock vous file 200 places de foot. On a toutes les places à choper. Et les conseils pas chers, on part en vacances gratuites pas chères. Eh bien, je prépare mes vacances, oui. Ça, c'est une bonne idée de conseils pas chers. Allez, on va y aller. Allez, c'est parti. Tu sais qu'il y en a qui les font, tes conseils pas chers, Romano. Bah, ils ont bien raison. Ouais. Dites-moi si vous vous enrichissez, si vous avez des problèmes avec la justice. Aussi, oui. Tenez-moi au courant. Et merci à tous ceux qui t'ont laissé plein de messages pour ton code PUC que tu as perdu. Ouais. Et il y a plein de messages de gars, de filles qui bossent chez Orange d'ailleurs. Bah, Cédric, faut en appeler. On vous embrasse tous, merci. Et bonne chance maintenant. Donc, les 1 500 € à 7h07, c'est parti. Le jeu des 1 500 €. C'est 1 500 € cash à gagner si tu réponds Skyrock. Ouverture de l'enveloppe. L'enveloppe tire au sort par notre huissier de justice. 1 500 € à gagner. Romain, tu y arrives. L'enveloppe est ouverte et nous allons dans le 63. Du côté du Puy-de-Dôme. Ouais, à Moulins exactement. Et nous allions. Non, c'est le 03 Moulins. 03, ouais, Moulins. Ah oui. Ah, excusez-moi, c'est mal imprimé sur la feuille. Le 03. Ah, c'est Moulins dans le 03, c'est confirmé. Hein. Et c'est Lilian Bardin. Non, ah. William Bardin. Voilà. Vous comprenez pourquoi c'est moi qui ouvre l'enveloppe tous les jours. C'est monsieur Bardin. Vous savez, quand j'ai mes deux bras, je l'ouvre en général. Bonjour Lilian. Non, c'est William. Ah, William. Comme William Sora. Bonjour la famille Bardin. C'est qui? C'est la radio. On Salut. Est en direct à la radio ce matin. Et, mmh. on t'a tiré au sort. Bon, Roman, enfin, la personne qui t'a tiré au sort a eu du mal à lire ton nom. C'est bien William que tu t'appelles. Ouais, c'est bien ça. William, on va te poser une question. C'est pour gagner 1 500 €. C'est pour ça qu'on t'appelle ce matin. Une autre question. T'es bien à Moulins dans le 03. Oui, c'est ça. Bon, c'est ça. Jusque là, tout est bon. Il faut nous dire quelle est ta radio préférée, William. Si t'as la bonne, tu gagnes 1 500 €. Attention, William. Ouh, William. Oui. C'est à toi. Alors, ta radio préférée, William, pour 1 500 €. Allez, fais-nous rêver. Bah, c'est Skyrock. Eh bah, Skyrock. Eh bah, voilà. Tu crois que c'est Skyrock? Ouais. Eh ben c'est gagné. Eh ben t'as bien. Eh ben oui. Bip, bip. Tu crois bien William, tu viens de gagner 1 500 € en direct à Moulins ce matin. Bravo. Bravo, bravo. Ouais William. Bravo William. William il y croit à moitié je crois. Hein. On t'entend plus William. Ah ben William, un petit téléphone, faut en racheter hein, je crois là. Là c'est bon, t'as quoi faire avec 1 500 €. Oui c'est vrai, tu peux t'acheter. Non mais marche bien mon téléphone, c'est que j'y crois pas, c'est tout. Mais si, bah il faut y croire. Ah bah si si, c'est bon là, tu peux allumer la radio, t'es dedans. Bah exactement, toute l'équipe te salue, Romano te dit. Si tu veux, pourquoi pas, veillant à toi. Et donc on est bien sur Sky, t'as bien gagné 1 500 €. Tu fais quoi dans la vie, William? Je travaille à la blanchisserie depuis. À la blanchisserie, à Moulins. Eh ben écoute, bravo à toi. Tu pourras me laver mes slips. T'auras pas à blanchir l'argent sale, les slips de Cédric peut-être. Parce que c'est de l'argent propre, l'argent qu'on t'offre. Oui. Ah, 1 500 € directement qui file du compte de Skyrock à ton compte en banque à toi, William. Bien joué. Fais-toi plaisir, éclate-toi comme un ouf. 1 500 € à choper dans moins d'une heure pour le retour. Et puis quitte pas, on t'envoie le chèque très très vite. Salut William, salut l'allier. Salut Moulins. Salut Moulins. Et 1 500 € juste après les infos de 8h. Le morning de Default sur Skyrock. The morning show, les shows, les shows. Premier sur le cash. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul, sad soul. Darling, oh, I know a sad soul, sad soul. Name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no, cause as soon as the sun comes up I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know our sad souls, sad souls. Darling, oh, I know our sad souls, sad souls. Mike Posner sur Skyrock, Titoura Ibiza et dans un instant Rihanna avec Please Don't Stop the Music. Mais tout de suite, vos conseils pas chers et conseils pas chers. Vacances, parce que les vacances, c'est cher. Eh ouais, les vacances, ah ouais, c'est cher. Oui. Par exemple, les colonies de vacances. Alors, il y a un sondage qui a été fait là sur les colonies de vacances par l'IFOP. Oui. Alors, les Français ont une très bonne image des colonies de vacances à 76%. Mmh. Bon, alors, par contre, il y a quand même des critiques. C'est, le truc numéro un, c'est le prix. les gens trouvent ça trop cher. Après, le deuxième truc, c'est les gens n'ont pas forcément confiance dans le personnel accompagnant. Absolument. Bonjour, je suis Patrick, je m'occupe des enfants. Absolument, oui. Absolument, ouais. Ils arrivent quand les petits? J'ai plein de bonbons pour eux. Oh, faut pas devenir parano, mais c'est vrai que ça fait flipper. Mais on y pense toujours. Non, mais sans parler des mecs dégueulasses, mais tu sais, bon, on sait jamais. Des fois, tu peux y avoir un souci, un mec qui est complètement timbré. Oui, alors vous allez faire du saut, du saut à l'élastique, mais j'ai pas d'élastique. Voilà, sauter dans le vide. Oui. En troisième position, c'est que l'enfant soit malheureux. Mmh. C'est vrai qu'il y en a, ils badent les pauvres. Bah, toi, t'avais pleuré pendant toute une semaine quand t'étais parti en Angleterre, Romano, je te le rappelle. Ouais, non, mais c'est vrai, voyage scolaire en Angleterre. J'étais là en dépression. J'étais en CM2, j'avais passé une semaine à chialer. J'étais obligé d'appeler mes parents tous les jours en disant ça va pas du tout. Et en numéro 4, bon, c'est un peu la même chose que numéro 3, c'est redoute d'être éloigné de leur enfant. Ouais. Et bien ce matin, pour trouver des vacances pas chères, mieux que la colonie de vacances, partir directement chez des gens en vacances et leur proposer de les accompagner même pendant leurs vacances. Ben oui, parce qu'il y a peut-être des gens qui s'ennuient pendant les vacances de recueillir quelqu'un. Je peux être homme de compagnie. Homme de compagnie. Voilà. On appelle ça également gigolo. Ouais, ben non, mais je pensais plus chien de compagnie, homme de compagnie. D'accord. On peut me caresser en me donnant des sous. Eh bien, je te souhaite bonne chance, ça va pas être facile ce matin, mais on croit en toi, Romano. Conseils pas chers. Les conseils pas chers de Romano. C'est parti. Allez. Les conseils pas chers. On appelle chez qui? On va chez Antonio. On sait où il est à peu près? Dans le 02, à Gland. À Gland. Très bien. Pour te plaire, ça. On va partir en vacances à Gland. Allô, Antonio. Oui. Oui, bonjour, comment vas-tu? Bon. Bah, ça va? C'est qui? Bon, c'est Monsieur Lapin, l'appareil. D'Ivoire, là j'étais en train de préparer mes vacances pour cet été là. Et je me suis dit, tiens, pourquoi j'irais pas faire un petit tour à Gland? J'ai trouvé ton numéro, je me suis dit peut-être qu'Antonio il sera d'accord pour m'accueillir, moi et ma petite famille. Donc je voulais te proposer ce truc là ce matin. Non, tu n'iras pas à Gland. Quel dommage. On va où là? On va à Moncur? Non, à Angroisse. Angroisse. C'est où ça? Très bien. Je sais pas du tout. Super localité de vacances. Crois-nous, Romano, c'est Cédric qui l'a choisi pour toi. C'est chez Philippe. Chez Philippe. Oui. Oui, bonjour, c'est la femme à Philippe. Oui. Oui, bonjour, Philippe est dans le coin ou pas du tout? Ben, vous venez juste de m'appeler. Ah ben oui, mais j'ai eu un petit problème de téléphone portable. Ah, je peux lui laisser un message si vous voulez. Ben, je voulais savoir, cet été, vous avez déjà prévu vos vacances? Mais en fait, je ne sais pas qui vous êtes, hein, je suis désolé. Je suis un ami de Philippe, je suis Monsieur Lapince. Ils ont couché ensemble quand ils étaient au lycée? Ouais, à l'époque, on se touchait un petit peu la nouille. Non mais, rien de bien méchant, hein, comme ça c'était bon. Fallait que jeunesse se fasse, comme on dit. Et alors Philippe, j'espère qu'il est toujours aussi cochon, hein. Bon, et alors cet été vous partez où, vous? Non mais, il est 7h20, je suis désolée, le matin c'est un peu compliqué, j'ai les enfants à gérer, j'ai pas trop le temps. Non mais vous avez prévu déjà votre vacances, j'imagine? Oui, oui. Vous partez où, vous? En Bretagne. Très bien. Ah bah très bien, bah je vais venir avec vous. Bah ça, il pourra s'occuper des enfants. Voilà, et puis je m'occuperai aussi de Philippe. Je toucherai la nouille. Bon, je suis sûr qu'il sera ravi. Bah, j'espère que sa nouille aura grossi depuis depuis les années lycée. Mais bon, on verra. Bon, ben, vous partez. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir passer le week-end chez vous là pour voir si je m'entends bien avec vous comme à l'époque. Et puis si c'est bon, je serai de retour en juillet ou août, suivant quand vous partez. Bon, ben, ça marche. Ah, c'est fort sympathique. Vous ferez un bisou à Philippe de ma part. Bah oui, je sais pas qui, mais je lui dirai, ça marche. Vous dites que c'est de la part de Monsieur Lapin, si ce n'est pas. Lapin, ok, ça marche. De Skyrock, c'est un noble. Ouais, ouais, ouais. Merci. Eh bien, de rien. gros bisous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Ça y est, j'ai mes vacances. C'était trop fort, Romano, bravo. Mes vacances en Bretagne avec Philippe et sa femme, très sympa. Et un petit touchage de nouilles, comment on les aime. Oh, bah oui. C'est le morning de Difool. The morning show. 6h-9h sur Skyrock. Please don't stop the music. Comme quoi, il suffit de demander, hein, c'est simple. Rihanna, vous la demandez, elle est là. Please don't stop the music. Et le concert de Rihanna, pas loupé, c'est dans moi demain. Et bientôt, des places à gagner pour les stades de Rihanna dans toute la France avec Skyrock. Say you're all right is incredible. If you don't have to go, don't.

C'est quoi ces photos dans le salon? Ah. T'as remplacé notre photo de mariage par des photos de toi à la banque postale. Toi devant le bureau de poste, toi en selfie avec un conseiller. Normal, à la banque postale, j'ai trouvé le meilleur taux pour notre crédit conso. Alors, oui, j'en suis fier. Le meilleur taux? Oui, je te le garantis, j'ai eu le meilleur taux. Mais en fait, il est pas mal ton conseiller. Jusqu'au 25 juin 2016 à la banque postale, profitez d'une offre spéciale sur les prêts personnels auto, travaux et projets. Pour plus d'informations, renseignez-vous vite en bureau de poste sur labanquepostale.fr ou au 3639. Service 15 centimes d'euros la minute, plus prix de l'appel. La banque postale. Banque et citoyenne. Après acceptation de votre dossier par la Banque Postale Financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La Banque Postale Intermédiaire de Crédit du Prêteur. Allez, 7h27, c'est l'heure de Info Mytho, l'heure de gagner vos télés, la télé Samsung, la nouvelle, elle est pour vous. En direct de la part, c'est le morning de Diffoul sur Skyrock. The morning show. 6h-9h tous les matins. Eh oui, en direct de la part, dans notre studio, dans le salon, tranquille, ouais. La cuisine à côté, la salle de bain. Cédric, tu devrais aller faire un tour d'ailleurs, elle est jolie, tu verras, la salle de bain. Il a jamais visité. Voilà, toujours j'ose pas rentrer. Alors la petite info que je vous donnais, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? J'espère que c'est un mytho, on va voir ça tout de suite avec Caroline. Bonjour Caroline. Salut toute l'équipe. Alors, salut Caro. Salut. Caro, t'as 27 ans et t'es à Perpignan. C'est ça. À Perpignan, il fait super beau. Et il fait beau à Perpignan. Profite bien, il va faire très chaud aujourd'hui dans le sud de la France. Ah ben j'espère. Hein. Et on en reparle dans deux minutes, écoute bien la météo. Alors Caroline, on parlait d'une prof, 24 ans, prof d'anglais en primaire, qui serait tombée enceinte d'un de ses élèves. Est-ce que c'est une info ou est-ce que c'est un mytho? Oh, c'est un mytho. Et oui, heureusement. Elle est sauvée, ouais. Parce que c'est, sinon, c'était une vraie timbrée. On est sauvés. Non, elle a juste été mise enceinte par un élève de 13 ans. Oh, ben ça va. Ça va, il n'a pas 8 ans au moins. Exactement, on est sauvés. Donc ça fait un scandale dans l'école, vous imaginez. Bon, elle était un peu amochée. D'ailleurs, elle a arrêté d'exercer son métier de prof, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Oui, il vaut peut-être mieux. Il vaut mieux, oui, c'est vrai. Donc elle est tombée enceinte. Bon, elle n'aura pas le bébé parce qu'ils ont avorté. Et elle a indiqué avoir eu de nombreuses relations sexuelles avec son étudiant. Ah ouais, voilà. Ouais, oui. Ah oui, amoché. Ah ouais, bah, ça, vous voyez, 13 ans et 28, oui, quand même. On est rassurés, ça se passe aux États-Unis. Bon, bien joué, Caroline. C'est bon, t'es qualifiée, Caroline. Tu vas jouer maintenant à j'ai oublié de donner le top, c'est vrai. Ah bah, c'est trop tard, vous l'avez pris. Oui, bah là, le top, là, ouais, c'est un peu trop tard pour le donner, là. C'est vrai que je donne toujours un top pour que vous laissiez les réponses. Tu as bien joué, tu es qualifié, tu joues avec Cariole et Romano, ils ont tous les deux un truc à te raconter. On file tout de suite vers les infos du monde d'Info Mytho. Allez, c'est parti. Info Mytho, Mytho. Qui dit vrai, qui dit faux? Alors, que se passe-t-il, Romano, dans le monde? Alors, moi, c'est le patron de Facebook, Mark Zuckerberg. Oui. Mark Zuckerberg a décidé de s'amuser avec Twitter, un des concurrents de Facebook. Et en fait, il a posté un truc sur Twitter, il a réussi à les pirater. Il a dit, il leur a laissé un message. Salut Twitter, j'ai voulu tester votre sécurité. Ben, en fait, elle est pourrie. Donc, Twitter n'a pas vraiment apprécié, a décidé de renforcer les services de sécurité pour éviter ce genre de désagrément. Info ou mytho? C'est l'info de Romano, info Mark Zuckerberg, Facebook, Twitter. Cariole, ton info? Moi, ça se passe en Inde. Donc, c'est les caméras de surveillance d'une bijouterie qui ont filmé une scène assez drôle. C'est un singe qui a volé dans la caisse de la boutique. Il a volé la caisse en fait. Et malgré la banane pour la pâtée, il s'est sauvé avec les sous. Alors, qui dit vrai, qui dit faux? Le singe le plus célèbre d'Inde. Avec ses bijoux. Avec ses bijoux. Ah oui. Et de l'autre côté, Romano et Mark Zuckerberg qui piratent Twitter. Qui dit vrai, qui dit faux? Bon, ben je vais dire info Cariole et mytho Romano. Info Cariole, mytho Romano, est-ce que c'est bon? Eh bien, c'est tout bon, c'est gagné. Bravo. Bip, bip. Eh bien, ta télé Samsung, elle fait plus d'un mètre. C'est une Smart TV 4K. Ultra HD, Smart TV, la folie. La folie, elle est pour toi, Caroline. Bravo. Je suis trop contente, merci à toute l'équipe. Et bravo à toi. Donc le singe, il a vraiment volé. Mark Zuckerberg, qu'est-ce qu'il a fait? Ben en fait, Mark Zuckerberg, il a rien fait. Il s'est fait pirater son compte Twitter. Oui. Un autre réseau qui s'appelle Pinterest et son compte LinkedIn. Et par des hackers. Et lui ont mis, nous sommes juste en train de tester votre sécurité. Eh ben, marche pas. Et son mot de passe, il a été découvert. En fait, son mot de passe, c'était un peu un truc, il passe un peu pour un couillon, parce que son mot de passe, c'était dadada. Dadada. Très bien. C'était le mot de passe. Bon, du coup, il l'a changé entre temps. C'est le mot de passe de Mark Zuckerberg. Oui, c'était dadada. Alors peut-être là, il a mis la, ou essayer des autres trucs. Bravo, Caroline. La télé Samsung, elle est pour toi. On te fait un gros bisou, Caro. Merci, vous aussi. Vous faites plein de gros bisous et continuez comme ça. Un gros bisou et profite bien de ta belle télé. Et oui, pense à nous quand tu la regardes. Bisous, Caro. Pas de problème, bisous. Ciao, Caroline. Ciao. Et dans un instant, il arrive, c'est Drake. Pour se réveiller, Drake, on retrouve juste après les infos avec One Dance. Ah, du bon son, encore une découverte Skyrock, le Canadien Drake. Et puis, n'oubliez pas vos places de foot. On va essayer de vous les offrir avant 8h du matin. Je vous donne le match de foot qu'on va vous offrir dans un instant. Tiens, gros gros match à gagner ce matin sur Skyrock, l'Euro 2016. C'est sur Sky, c'est toute la journée hein, dans la roulette. Et puis les infos, c'est tous les matins avec Rémi. Bah ouais. Et à 7h30, c'est dans 31, on fait le point sur l'actu. Et on a encore beaucoup, beaucoup d'eau aujourd'hui, des orages sur le nord-est notamment. Ça va cogner fort cet après-midi. Météo France place 18 départements en alerte orange à partir de midi. De l'Aisne au Jura sont concernés l'Alsace, la Champagne-Ardenne, la Franche-Comté, la Bourgogne et la Lorraine. Les alertes dans le nord sont levées, mais il reste trois départements en vigilance crue, à savoir l'Eure, la Seine-Maritime et l'Essonne. Partout ailleurs, ce sera agréable et surtout sur une large moitié sud où le soleil sera bien visible. Quelques averses possibles dans l'après-midi en Île-de-France. Les températures ce matin comprises dans le nord entre 11 et 15 degrés, 14 à Lille, 15 à Paris, de 15 à 20 dans le sud, 16 à Lyon et 19 à Marseille. Dans l'après-midi, il fera 17 degrés à Dunkerque, 18 à Cherbourg, 20 à Besançon, 21 à Rouen, 21 à Lille et à Metz, 24 à Paris et à Poitiers, 25 à Lyon, 26 à Marseille, 27 à Périgueux et 29 dans la ville rose, à Toulouse. Et puis la pollution, c'est très moyen encore, les indices compris entre 3 et 5, 5 à Orléans, Cherbourg, Poitiers, Bordeaux, Perpignan, Marseille, Lyon, Colmar et Reims. Et toute l'actu maintenant, l'actu et le sport sur Skyrock. Et les intempéries qui se poursuivent après le centre et l'Île-de-France, eh bien ce sont désormais les orages qui frappent désormais le nord-est. Une série d'orages a éclaté hier, ce qui a provoqué par endroits des montées d'eau très rapides et très soudaines. Un homme de 71 ans est d'ailleurs mort noyé, pris au piège dans sa voiture dans le Pas-de-Calais près d'Arras. Des villages entiers sont traversés depuis hier par des coulées de boue à proximité de Strasbourg où on voit les voitures complètement submergées quasiment jusqu'au toit. Très impressionnant. Oui. Les pompiers sont intervenus près de 1000 fois en quelques heures. Il y a les photos d'ailleurs sur les réseaux de Skyrock, les photos que vous nous avez envoyées hier soir. Impressionnant. Impressionnant, ouais, oui. C'est chaud. Ouais. La galère qui continue sur les quais de gare pour le 8e jour de suite. La grève a été reconduite par Sudrail et Force Ouvrière. Les syndicats ne sont pas contents du projet d'accord concernant le temps de travail. La CGT ne se prononce pas et s'en remet aux décisions des assemblées générales. Ça va encore se bousculer sur les quais, mais moins qu'hier tout de même. 3 TGV sur 4, 6 TER sur 10, un transilien et un intercité sur 2. Une revanche pour Jérôme Kerviel. La Société Générale a été condamnée hier au prud'homme. La banque doit verser 450 000 euros à son ex-trader pour licenciement abusif. Elle a annoncé son intention de faire appel. Va-t-il y avoir ou non un procès Big Malion? Les juges ont terminé leur enquête et c'est désormais au parquet de Paris de décider de la suite à donner à l'affaire. 14 personnes, dont Nicolas Sarkozy, sont mises en examen dans ce dossier de fausses factures présumées lors de la campagne présidentielle de 2012. Elle revendique sa victoire. Hillary Clinton s'est exprimée cette nuit dans son QG de campagne à Brooklyn. Elle estime que c'est un jour historique pour une femme qui va représenter pour la première fois l'un des deux grands partis politiques américains pour la course à la Maison Blanche. L'ex-secrétaire d'État a remporté le New Jersey cette nuit au cours du dernier Super Tuesday. Son rival démocrate, Bernie Sanders, qui est désormais hors jeu, ne s'est pas encore exprimé. En revanche, Barack Obama a déjà félicité la candidate. C'est chaud pour Laurent Blanc au PSG. Eh oui, Laurent Blanc vers la sortie. Le PSG aurait choisi un triple vainqueur de la Ligue Europa pour le remplacer. C'est Unai Emery, le coach de Séville, qui pourrait dire oui au club de la capitale. Les discussions seraient très avancées et l'annonce quasi imminente, c'est la perspective de faire la Ligue des Champions hein, qui aurait décidé le technicien. Et puis l'équipe de France féminine de basket, pas encore vraiment prête pour Rio. Les Bleus se sont inclinés hier 52 à 66 contre le Canada. Il reste deux matchs de préparation contre la Chine et l'Australie pour peaufiner les réglages avant le tournoi de qualification olympique. Merci Rémi pour les infos. Le prochain rendez-vous c'est tout à l'heure dans une demi-heure et avant 9h du matin, vos places de foot à gagner, peut-être même avant 8h. Restez bien dans le coin, c'est le morning et les places pour l'Euro à choper avec le Crédit Agricole et Skyrock. La journée commence bien avec Difool et Romano. Le morning de Difool sur Skyrock. Et le retour des conseils pas chers avec toi Romano dans une demi-heure, un petit peu plus même. Oui, pas vers cher. 8h10. Vers 8h10. Avant ça, encore 1500 euros à gagner. C'est tombé chez William tout à l'heure dans le 03 Moulin. Bravo William, t'as bien gagné 1500 euros. Oui, parce qu'il avait du mal à y croire. Hein. Eh oui, je sais, c'est souvent la surprise du matin. Et puis on se mettra le nouveau soprano aussi. Tiens, vous l'avez demandé, plein de messages pour le nouveau soprano. On l'écoutera juste après les infos de 8h. Très bien. Bon, d'ici là, il se passe plein de choses. On va recevoir Pamela qui a un coup de gueule à pousser. Elle se veut représentante des filles, Pamela Girl Power, ce matin. Ouais, ouais, ouais. Mais pourquoi Girl Power? Vous en saurez plus d'ici quelques instants. J'en ai marre. Préparez-vous. T'as la ouais, marre de ouais, quoi ouais, ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas, mais j'en ai marre. Ah, elle en a marre. Bon, n'hésitez pas à pousser un coup de gueule si vous avez vous aussi envie de vous exprimer le matin. Le Girl Power arrive sur Skyrock. Attention, ça va chier. Et puis tiens, on va s'occuper du réveil de star du jour. C'est à 7h50. Votre réveil de star. Une grande star, pas par la taille, mais une grande star qu'on va retrouver d'ici quelques instants. Il y a un anniversaire qu'on voulait fêter ce matin, c'est l'anniversaire de Kanye West. Ah bah bon anniversaire Kanye West. Kanye West a fait son anniversaire aujourd'hui. Il a quel âge ce garçon? Alors quel âge il a? 40 ans. Ah bah écoute, tu vois que l'émission est bien préparée. Hein. Anniversaire de Kanye West. Moi je dirais 40 ans moi. Je sais pas, moi je lui donnerais la quarantaine aussi à Kanye West. Kanye West, le mec le plus modeste du monde à part Zlatan Ibrahimovic. Ah bah il faudrait qu'ils se rencontrent les deux. Ah ça serait magnifique. Ça, il s'engueulerait. Non, c'est moi le plus beau. Non, c'est moi. C'est quand même le mec qui a déclaré « Je sais comment faire quelque chose de parfait ». Oh là là. Ouais. Mon plus grand regret dans la vie, c'est que je ne pourrais jamais me voir en concert. Il a 38 ans. Ouais, bah tu vois, on n'était pas loin. Il est né le 8 juin, donc c'est bon. Mmh. Ouais, c'est bon, ouais. 1977. C'est lui qui a déclaré « Je suis un dieu ». Ouais, c'est ça, ouais. Vous cherchiez Dieu, bah il s'est réincarné. Il est pas beau, hein. Non. Dans la gueule de Kanye West. On veut que je sois génial, mais personne ne sait que je le suis déjà. Oh bah oui, forcément. Il est trop fort. Je suis la rock star numéro 1 sur la planète. Le mec a une tête, mais un melon. Aussi un melon, gros que le cul de sa femme. Ça, c'est. Ah ouais, c'est clair. Et encore peut-être même plus gros. Un truc de fou. Bon anniversaire, Kanye West. Bon anniversaire à toi. Ça fera peut-être un petit avant 9h si on a le temps, un petit Kanye West pour fêter son anniv là. Mmh. Allez, et Pamela dans un instant. Le coup de gueule de Pamela. Et... Ah si, il y a une autre déclaration, tiens. Ah vas-y, vas-y. En tant qu'être humain, je ne suis pas parfait, mais ma musique, elle l'est. Oh. Vous voyez qu'il sait être modeste quand même. Hein. Ah oui, oh, bah oui, attends, c'est bien, Kanye, c'est bien. Et là, c'est Drake sur Skyrock, One Dance. On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like you so. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. If you're down, I'll take it slow. Make you lose control. Taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. C'est Drake sur Skyrock, le Canadien Drake. Et Kanye West a 39 ans, il a pris un an depuis deux minutes là, dites donc. Non mais en fait je me suis trompé. S'il est né en 77, il a même 40. Non, on est en 2016. Ah, on est en 2016, donc oui. Il a 39 ans. Putain, Romano a des problèmes de mathématiques et attention, dans une semaine, le bac commence. Hein, ça va être chaud. Non, mais hein. Vous inquiétez pas, je ne le passe pas, moi. Ah, on est rassuré. Ouais, sinon, là, je ne me sens pas prêt cette année. Bon, on va parler d'un petit problème qui concerne les filles aujourd'hui. Les filles, vous n'êtes pas contentes et vous avez bien raison. Oh là, je ne suis pas contente. Oui, souvent les femmes se plaignent de ne pas être payées autant que les hommes et c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, dans plein d'entreprises, c'est comme ça. Les femmes ne sont pas payées autant que les hommes et il paraît que c'est pareil pour l'argent de poche. Et là, Pamela, tu voulais pousser un coup de gueule ce matin, ça commence dès l'enfance, dès quand on est petit. Oui. L'injustice contre vous, les filles. Je suis scandalisée. Oui. Je veux le même argent de poche que les hommes. Exactement. Une question d'argent. Combien on touche entre 6 et 9 ans? Il y a un sondage qui a été fait. Ah, c'est jeune. D'argent de poche par an. Ah, par an? Par an, je sais pas. Attends. Entre 6 et 9 ans. J'aurais dit 50 euros. Non, ah bah t'as tes radins, vraiment. Ouais. Je savais pas que t'étais radin comme ça. C'est 70 euros entre 6 et 9 ans par an. Ah bah quand même. Entre 10 et 11 ans, c'est 100 euros par an. Entre 12 et 13 ans, 150 euros. Et à 14 ans et après, c'est la folie. Entre 240 et 390 euros par an. Vous divisez par 12 pour avoir le prix par mois. Bah 240, ça fait 20 euros par mois. Oui. C'est pas beaucoup. Bah, faut pas faire de folie, quoi. Faut pas faire les foufous. C'est ça. Ni les fofolles. Et les filles, donc, touchent 13% de moins. Ah, bah voilà. Bien. Ah non, mais c'est quoi ce travail? Eh oui. CGT, appelez-moi la CGT. Tu veux qu'on appelle la CGT? Je veux la CGT. Mais ils sont en grève tout le temps, la CGT. Oui, bah, il y a peut-être quelqu'un qui décroche. Ah, bah, ça, je te le garantis pas. On va essayer quand même. Allez, c'est parti pour le French Test. Direction la CGT ce matin. Ça va gueuler. Oui. Le French Test sur Skyrock. Alors, la CGT ce matin, on a un numéro de CGT qui va peut-être te répondre, Pamela, pour pousser ton coup de gueule. Tu veux quoi? Organiser une grève nationale? C'est oui, déjà fait, hein? Oui, je vais demander, moi, des sous, hein? Bloquer les trains, c'est déjà fait. Je pourrais m'allonger sur une voie. Oui, allô, la bourse? Oui, bonjour, la CGT? Ah, il y a encore personne, là. Ah, il y a encore personne? Parce que j'en ai marre! Révolution CGT! Ouais! Je veux de l'argent! Je suis une femme, je touche moins que les hommes, je suis scandalisée! Ah, faudra arrêter, venez vers 9h, mon cœur est fondé là. Je peux venir boire un petit verre de vin avec vous? A priori, il est bon. Hein. Il n'y a plus rien. Ils ont une belle cave. Là, CGT, c'est rouge, on boit du rouge. CGT, du pinard pour la CGT. Très bien. Moi, je proposerais d'organiser une grève nationale, une de plus. Il est décabalé. Je sais pas, on n'a pas un truc, une fête, un machin sympa pour... La fête de la musique. Voilà, rêve pour la fête de la musique. Ouais. Hey, dis donc, on peut venir prendre l'apéro avec toi si c'est un truc à boire. T'as tout bu, mon salaud? Ah ben oui, t'as tout bu, mon salaud. T'as tout bu. Bon, ben oui, ben on passe le temps comme on peut, on fait la grève. Non, mais il est 8h moins le quart, le mec a ronflé comme une pelle. Je te dis, le CGT, ils ont des drapeaux rouges, ils ont du vin rouge aussi. Qui arrivait. Bon, en tout cas. C'est dans un bel état, lui, tiens. C'est bien, Pamela. Merci d'avoir défendu les femmes ce matin. Ouais. La lutte continue. En tant que représentante, je trouve que tu représentes c'est bien la les lutte, femmes. Oui, finale. Ah. Oui, c'est bien. Bon, 7h44, dans un instant, le réveil de star du jour. Et je vous donne le top officiel pour gagner vos places de foot. Si vous voulez gagner vos places de foot, c'est maintenant sur Skyrock. Vous allez gagner le match. Quel match? Lequel? Ah, vous voulez savoir le match que vous allez gagner? Vous avez bien raison. C'est parti pour les inscriptions sur la roulette. Et vous gagnez ce matin le gros match. C'est les huitièmes de finale. Les huitièmes de finale, le 26 juin à Paris. C'est pour vous. Vous voulez vos places pour les huitièmes? Ah ouais, c'est parti. Là. Ah ben oui, on sait pas encore quelle équipe. J'allais dire, c'est quelle équipe, on sait pas. Et non, mais en tout cas, ce sera des équipes qui seront qualifiées, donc ce sera un beau match. Ouais. Huitièmes de finale. Vous voulez aller au Stade de France? Vous voulez voir le match? Vous vous inscrivez très vite. Vous laissez vos numéros de téléphone et votre prénom au 41 759 ou alors avec votre appli Skyrock et vous allez à l'Euro avec Skyrock et le Crédit Agricole, le Crédit Agricole qui vous file 200 places à gagner. Et les huitièmes de finale sont pour vous. Elles sont pour vous les huitièmes. Ils sont pour vous les huitièmes. Ah, et l'horoscope aussi, il arrive. Dans une minute, l'horoscope de l'amour et le réveil de star aussi. Niska. Découvre le premier album de Niska avec entre autres des feats de Booba, Maître Gims, SCH, Gradure. Premier album de Niska, disponible partout. Le Leclerc. Philippe, c'est quoi tous ces paquets d'emmental râpé dans le frigo? C'est de l'emmental râpé français extra fin entre mont et lait de vache que je viens d'acheter en promo chez Leclerc. T'en as pris 3 paquets? Bah, 2 achetés, 1 offert. Ah, d'accord. C'est parce qu'il y a mille et une façons de l'apprécier que du 1er 11 juin chez Leclerc, pour l'achat de 2 paquets d'emmental râpé français extra fin entre mont de 160 grammes chacun, 29% de matière grasse est transformé en France, le 3e est offert. Voir modalité dans les magasins participants. J'adore ça, le fromage râpé. C'est bon dans tout! Pour votre santé, bougez plus. Allez, c'est l'heure de l'horoscope de l'amour. Ça s'inscrit pour la roulette. Ça va tourner. Préparez-vous. L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Ah, on va tirer au sort, hein. Donc, vous pouvez vous inscrire. Allez-y. Je vous souhaite bonne chance d'avance et on va voir si on a de la chance en amour aujourd'hui. Oui. Nous sommes le mercredi 8 juin et à 7h45. C'est l'heure de l'horoscope. Et voici les 12 signes et leur puissance amoureuse sur une échelle de 0 à 5. Puissance amoureuse au maximum pour les magnifiques poissons et vierges. Ah. Une journée qui démarre au top, qui continuera au top et qui finira au top. Autrement dit, le top de l'amour, c'est pour vous aujourd'hui. Génial. Poissons et vierges, 5. Eh ben bravo. Les petits Verseaux et les balances, vous avez 4 sur 5, c'est bien. C'est bien, oui. Les grands Verseaux aussi d'ailleurs. Célibataire ou couple, vous aurez le courage de faire le premier pas vers les autres aujourd'hui, d'engager la conversation et vous serez récompensé si vous avez fait des efforts ces derniers temps. Eh bien, vous aurez les fruits de vos efforts aujourd'hui. Verseau, balance, 4. Ouais. 3 sur 5, les taureaux et les gémeaux, vous êtes en mode tranquille aujourd'hui, vous laissez tranquillement les autres venir vers vous et vous verrez, ça efficace, sans effort, vous y arrivez. 2 sur 5, les cancers et les lions. Attention, malentendu, surtout en amour aujourd'hui, ça peut créer des petits conflits avec les gens qui vous entourent. Les capricornes et les béliers, on a 1 aujourd'hui. Vous vous focalisez trop sur ce que les autres pensent de vous. Oh, moi je m'en fous en général. Mais bon, je vais quand même faire attention, c'est écrit dans l'horoscope, faire attention. Ah ouais. Restez fidèle à vous-même, vous êtes très bien comme ça et tout ira bien. Et pour finir, les sagittaires et les scorpions, vous voulez tout contrôler aujourd'hui. Bon, vous voulez tout contrôler, mais vous risquez d'énerver les gens qui vous entourent, notamment votre chérie. Aujourd'hui, vous aurez du mal à vous retenir aujourd'hui. Retenez-vous quand même un petit peu, vous verrez, la journée sera meilleure. Oui, retenu. Dans un instant, vos places de foot à gagner. Tiens, une petite question qu'on va vous poser aussi. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez des enfants à garder? Les vôtres ou, je sais pas. Ouais, quand vous faites un peu de babysitting. Par exemple, du babysitting ou vos petits frères, vos petites sœurs. Qu'est-ce que vous faites pour les occuper? Si vous avez une petite idée, vous pouvez nous dire au 41-759 et sur l'appli pour les places de foot. C'est dans un instant, le tirage au sort a été effectué. L'heureux vainqueur, l'heureux gagnant arrive juste après Rihanna et Calvin Harris sur Sky. Tous les matins. Morning Show. Hi, this is Rihanna and I'm on Skyrock. Le Morning Daddy Fool, 6h-9h sur Skyrock. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Okay. qui sera en concert dans moins d'un mois avec Skyrock. On écoutait Rihanna et Calvin Harris. This is what you came for. Oh yeah. Il est 7h50, c'est l'heure de vos places de foot et dans un instant le réveil de Star et on va parler de ce qui occupe les enfants. C'est le mercredi, c'est le jour des enfants, on a pensé à eux. Qu'est-ce qui occupe les enfants? Qu'est-ce que vous faites pour les occuper? J'ai vu des messages qui m'ont fait rigoler là. Ah, il y a maman Amnesia Hayes là. Alors qu'est-ce là, c'est multi-activité. Ah ouais, hier là. Avec mon fils d'un an, on est allé au parc et aujourd'hui on ira à la ferme. Demain, on ira à Cavalcade. Sinon, on joue, on chante les comptines. C'est mignon. C'est maman Amnesia Hayes, elle a 24 ans. Moi, le message qui m'a fait rigoler, c'est Diogo du 78, il a 17 ans. Alors, il parle de son petit frère. Moi, je le fais écouter Skyrock le matin et je sais pas pourquoi, il rigole quand il y a Romano qui parle. Il se fout de ta gueule. Ouais, c'est ça, j'allais dire en plus. Déjà tout petit, il se moque. Bon, dans un instant, une bonne idée pour les enfants, mais d'abord, vos places de foot à gagner. Et on accueille Sony avec nous en direct de Compiègne. Tu t'appelles comme ma télé. Ouais. Salut Sony. Salut Sony. Salut l'équipe. Salut. Et tu sais que je penserai à toi maintenant chaque fois que je regarderai la télé chez moi. Bah voilà, c'est ça. Et voilà. T'as 27 ans, Sony, t'es à Compiègne. C'est ça. Et tu vas tenter de gagner les huitièmes de finale de l'Euro parce qu'on a des super places et on a même les finales, la finale, les demi-finales, les quarts de finale, les huitièmes, c'est pour toi, on fait tourner. Okay. Skyrock et le Crédit Agricole t'offrent 200 places pour l'Euro 2016. Allez, la roulette tourne, elle peut tourner à n'importe quel moment du morning, à n'importe quel moment de la journée, jusqu'à la radio libre du soir. Ouais. Avec vos places pour l'Euro, il y en a 200 encore cette semaine à choper. Quand tu veux, tu dis stop, Sony. C'est parti. Stop. Skyrock est la radio qui vous offre le plus de places de l'Euro. Ouais. C'est nous. Et bah tiens, deux places pour toi, Sony. Les huitièmes de finale, c'est gagné. Bravo. Super. Merci l'équipe. Bravo. On peut super. Pas t'annoncer le match, mais en tout cas, ce sera des équipes qualifiées, donc ce sera un super match. Ouais. La pression va monter. Hein. La pression monte, monte. J-2 pour l'Euro. Aïe. Attention, ça va être chaud. Ça va être chaud, Tissera. Tu vas y aller avec qui, Sony? Bon, je pense que je vais y aller avec ma femme. Eh bah voilà, en amoureux. Vous n'avez pas d'enfant encore, tous les deux? Si, deux. T'as déjà deux. Wow. Ah ouais. Qu'est-ce que tu fais pour les calmer quand ils sont super énervés, qu'ils ont envie de faire plein de trucs, qu'ils sont tout agités les enfants? Je mets dehors dès qu'il fait beau. Allez. Voilà, alors. Là, ils sont pas rentrés depuis hier. Ils ont passé la nuit dehors. On t'embrasse, Sony, et bisous aux enfants, à la famille, à tout le monde. Salut, merci. Sony. Bravo. Place de foot à gagner. Encore, place pour l'Euro 2016 avec le Crédit Agricole. C'est sur Skyrock à choper. 7h53, c'est l'heure du réveil de Star. Et si je vous parle des enfants, c'est parce qu'on a une super idée. Eh bien oui, les enfants adorent les dessins animés. Eh bien, ce matin, pour faire plaisir aux enfants. Il n'y a pas que les enfants. Hein. T'aimes bien, toi? Moi aussi, j'aime bien. Nous, on regarde, ça passe le week-end, tous les week-ends, on regarde. Tu regardes des dessins animés de TF1 Non, de France 3, je regarde Boule et Bill. Tu regardes Boule et Bill. Appeler Lapin Crétin, mais ça, je suis pas fan. Ouais. Et après, il y a Titeuf et Garfield aussi. Et bien, justement, tiens, il y en a un qui va passer un petit coup de fil, c'est l'heure du réveil de Star. Vous êtes vraiment des pauvres nages de la tête. Oh, je l'ai reconnu, les pauvres nages de la tête, c'est nous, et lui, c'est Titeuf. Titeuf avec sa grande mèche là. Oui. C'est moi, Titeuf. Et on t'a reconnu, t'as reconnu avec ta voix. J'aime bien, il a une voix de merde, j'adore. Bonjour, c'est Titeuf à l'appareil. Bonjour, c'est Titeuf à l'appareil. Eh ben, Titeuf à l'appareil va appeler des familles. Je ne sais pas qui ce qu'on va appeler ce matin. Donnez-moi le nom. Bande de nazes. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. La famille bande de nazes qu'on va appeler. Et vas-y, bolo, Titeuf, pas dès le début. Hein. Oui, c'est la famille de Didier. Ah bah Didier. Allez, le réveil de Star. Eh ben tiens, appelez les gosses que vous avez autour de vous, les vôtres, les petits frères, les petites sœurs. Dites à tout le monde, hashtag Titeuf est sur Skyrock. Le réveil de Star. Une star, un appel. On écoute. Eh bien, Titeuf appelle Didier ce matin. Le réveil de Didier. Réveil de Star avec Titeuf. Allez. Comment il va réagir, Didier? Est-ce qu'il va comprendre? Allô? Ah. Oh, salut. C'est qui? C'est Titeuf à l'appareil. Titeuf? Bah oui. Hein? Allô? Mais arrête, toi. T'es qui? C'est moi, Titeuf. Bah, je connais pas Titeuf, moi. Hey, comment ça va, les pauvres nazes? Non, ouais, c'est toi, pauvre naze. Blaireau. Je crois qu'on a mis le doigt juste en plein milieu de la vérité. Bon, alors, qu'est-ce que tu veux, juste? T'appelles pour quoi, là? Je tourne dans un film, je veux être une vedette de star au cinéma, alors. Ah, c'est bien, ça. Putain, tu as gagné du blé, là. Bah, oui. Ouais? Vous avez jamais vu une vedette de star, ou quoi? Non, jamais, non. Même que je vais jouer un rôle à Hollywood. Hollywood, c'est bien ça, ouais. Ouais, et même que ce sera une super production hollywoodienne. Eh bah c'est bien ça, hollywoodienne, c'est bien ça, ouais. Hmm? Je pourrais parler de toi au producteur. Bah oui, bah pourquoi pas, bien sûr, ouais. Bien haut. T'es un petit rigolo là, ton genre. Non, et non. Non, bah moi non plus, tu vois. Bande de naze. Alors tu vois, là,

off of my city, off of my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. Direct et jusqu'à 9h sur Skyrock. Et merci de vous réveiller avec nous tous les matins sur Skyrock. Il est 8h02. Bonne journée à vous. Le nouveau Sopra arrive dans un instant. Je vous l'avais promis tout à l'heure. Soprano. Vous l'avez découvert sur Skyrock avec Soprano lui-même qui nous l'a amené lui-même. Oui. Lundi soir, c'était dans la radio libre. T'es en pleine forme, Soprano. Hein. Content de le retrouver. On était content de le retrouver aussi. Et le nouvel album arrive avec déjà des extraits du nouvel album. Et le diable qui ne s'habille plus en Prada, c'est le titre de Soprano à écouter dans un instant. Si vous ne l'avez pas encore entendu, il arrive, il est pour vous. On aura du Bruno Mars, du MHD aussi à écouter tout à l'heure. Les conseils pas chers à 8h10. Ouais. Après le magnifique succès, en plus c'était compliqué tout à l'heure, se faire inviter en vacances par des familles. Ah bah ça y est, c'est fait. Bravo. Cet été, je pars en Bretagne. Bravo Romano, et je dirais même... Bien mon frère. Bien mon frère. Bien. Ah bah merci frère. Frère. Et donc les nouveaux conseils pas chers à 8h10, c'est vos 1 500 €. Ouais. Là, c'est dans un instant. Après les infos de Rémi, les 8h03, l'actu, le sport, mais d'abord la météo, c'est important. Parce que tu nous l'avais dit hier, ça allait taper dans le nord. Ça a tapé dans le nord et encore une alerte orage. Ouais, elle concerne 18 départements. Ouais. Donc c'est vrai que ça va encore taper cet après-midi assez fort dans le Grand Est. Notamment de l'Aisne au Jura. Alors sont concernés l'Alsace, la Champagne-Ardenne, la Franche-Comté, la Bourgogne et la Lorraine. Les alertes dans le nord sont levées. Par contre, il reste 3 départements en vigilance crue, à savoir l'Eure, la Seine-Maritime et l'Essonne. Bon, normalement, pas de soucis hein, dans ces 3 départements. C'est à titre préventif. Partout ailleurs, ce sera agréable et surtout sur une large moitié sud où le soleil sera bien visible. Quelques averses possibles cet après-midi en Île-de-France. Les températures ce matin, 11 degrés à Cherbourg, 12 à Brest, 13 à Orléans, 14 à Lille et au Mans, 15 à Saint-Etienne et à Paris, 16 à Lyon, 18 à Nîmes et 19 à Marseille. Au meilleur de la journée, il fera 18 au Havre, 20 à Caen, 22 à Lille et à Clermont-Ferrand, 24 à Paris et à Strasbourg, 25 à Lyon, 26 à Marseille, 28 à Montpellier et 30 sur le pont d'Avignon. Et puis la pollution, c'est très moyen aujourd'hui. Les indices sont compris entre 3 et 5, 5 à Orléans, Cherbourg, Poitiers, Bordeaux, Perpignan, Marseille, Lyon, Colmar et Reims. Et l'actu, toute l'actu maintenant sur Skyrock, l'actu et le sport bien sûr. Intempérie, un mot qu'on utilise tous les jours depuis une semaine et ça risque de continuer encore aujourd'hui après le centre et l'Île-de-France. Eh bien, elle frappe ces intempéries désormais le nord et l'est. Une série d'orages a éclaté hier, ce qui a provoqué par endroits des montées d'eau très impressionnantes et rapides. Un homme de 71 ans est mort noyé dans sa voiture. Il a été pris au piège dans le Pas-de-Calais près d'Arras. Des villages entiers ont été traversés par des coulées de boue à proximité de Strasbourg. Les voitures sont inondées, les voitures sont submergées, on n'en voit que le toit. Les pompiers sont intervenus près de 1000 fois en quelques heures. Les intempéries, bien, c'est pas leur problème. C'est un petit peu le message que font passer certains syndicats de la SNCF. Huitième jour de mobilisation, la grève a été reconduite par Sudrail et Force Ouvrière. Les syndicats se disent insatisfaits du projet d'accord concernant le temps de travail. La CGT ne se prononce pas, s'en remet aux décisions des salariés. Comptez 3 TGV sur 4, c'est mieux qu'hier. 6 TER sur 10 et 1 Transilien et 1 Intercité sur 2. SAIP pour Système d'alerte d'information des populations. C'est le nom de la nouvelle application lancée par le gouvernement à partir d'aujourd'hui. Elle permet d'être informé sur son smartphone en cas d'attentat. Deux solutions sont proposées. Soit l'utilisateur accepte d'être géolocalisé et reçoit automatiquement l'alerte s'il se passe quelque chose près de là où il se trouve. Soit, eh bien, il enregistre plusieurs villes et reçoit une alerte uniquement si un événement arrive dans l'un de ces endroits. Pas de vibreur, pas de sonnerie. L'écran se met juste en rouge, mais vraiment tout rouge, et indique donc qu'il y a une alerte en cours. C'est le préfet de la zone concernée par la crise qui pourra la déclencher. Les autorités voulaient que le dispositif soit mis en place avant l'euro. Des riverains qui jouent les journalistes. Ça s'est passé en fin de semaine dernière à Grigny dans l'Essonne. Des affrontements entre jeunes et forces de l'ordre ont été diffusés et même commentés en direct sur Periscope. Un nouveau phénomène qui se révèle être un problème pour les forces de l'ordre. Rien à redire sur le plan légal. En revanche, les syndicats estiment que la pratique risque de banaliser les violences contre les policiers. On ne connaît toujours pas, en tout cas là, où les raisons de cet affrontement. Les Bleus se préparent à fond à 2 jours de l'Euro et l'Espagne s'inquiète un peu. Ouais, c'est le moment de se mettre dans une bulle, comme on dit, de se concentrer. Les hommes de Deschamps ont fait leur dernier entraînement public hier. Terminé donc les fans et les journalistes en pagaille à partir d'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle un huis clos. Il doit permettre aux sélectionneurs de faire ses tout derniers réglages. Deschamps qui confie à l'équipe ce matin avoir confiance en ses joueurs qui sont pleinement engagés. Et puis l'Espagne qui ne se rassure pas à quelques jours de la compétition. Dernier match de préparation hier et une défaite pour la Roja contre la Géorgie qui n'est même pas qualifiée. Score final 1-0. Première rencontre officielle pour les Espagnols, ce sera lundi contre la République tchèque. Très bien. Et la première rencontre des Français, c'est vendredi soir dans la Radio Libre à suivre avec nous. Et vendredi matin, les pronostics de Tête-Tête, le chien de Romano Icariol. Non, c'est Mémette déjà. Nénette, excuse-moi, je me trompe. Est-ce qu'il aura un jingle? Oui, bien sûr. J'espère. J'espère qu'il aura un jingle. C'est son exigence. Bien sûr, il adore les jingles de Skyrock. Ah bah, j'adore. T'en as un petit, là? Ouais, je vous en mettrai un. Allez, vas-y, fais péter. Aujourd'hui, c'est mercredi. C'est mercredi. Et c'est le morning de Default. The Morning Show! En direct sur Skyrock. Le morning avec, dans un instant, les conseils pas chers de Romano. Et tu pensais à un auditeur de Sky qu'on a eu hier soir, qui nous appelait parce qu'il avait une maison toute pourrie. Il nous envoyait des photos et c'est vrai qu'il avait une vieille maison. Ils avaient aménagé dans une vieille maison. Il y avait plein de travaux à faire et il n'avait pas d'argent. Alors, c'est bougé hier soir pour trouver des solutions. Et on voulait d'ailleurs remercier tous ceux et toutes celles qui ont filé des coups de main pour l'aider à réparer sa maison, pour lui donner des conseils. On a eu plein d'auditeurs et d'auditrices qui travaillaient dans le bâtiment et qui pouvaient lui faire les travaux. On a eu un Fred, par exemple. Oui, de Grenoble. Ouais, qui était prêt à se déplacer pour aller lui faire le chauffage, l'électricité, la plomberie. Super sympa. Et c'est ça la Sky Solidarité, tous les soirs entre 21h et minuit. Et donc, t'as pensé à lui ce matin pour tes conseils pas chers. Et mes conseils pas chers, j'ai des travaux à faire. Bon, j'ai pas trop d'argent. Je vais appeler des artisans et leur demander s'ils peuvent pas venir me faire les travaux gratuitement. Bah, c'était tombé sur un sondage. Il y a des Français qui sont 63% à donner de leur temps pour les autres ou pour contribuer à une cause bénévole. Ça t'a étonné. 63% des Français font des trucs bénévolement pour aider les autres. Ouais, après. Association sportive, tout ça. Après, c'est facile de le dire. Bah, 63%. On m'interroge dans la rue, je vais dire oui aussi. Romano, bénévolement, est-ce que tu peux venir, je sais pas, faire du bricolage chez moi, j'ai 2-3 trucs à réparer. Ouais. Ouais, d'accord. Ah, super. Si, je vais venir. Motivé. Dites-nous si vous avez fait des bonnes actions, parce que c'est bien de faire des BA. Vous avez fait une bonne action. Quelle est votre dernière bonne action? On en reparle dans un instant. Et on tente le coup pour les conseils pas chers. Est-ce qu'on va pouvoir se faire aider par les artisans? Tu veux quoi? Des plombiers? Tous les métiers, plombiers. Des maçons. Aussi. Ouais, vive les maçons. Des carreleurs, des plâtriers, Très bien. Bah, vous travaillez là-dedans. Vous avez des électriciens. Vous nous les donnez. On appelle dans vos boîtes. Ouais, y a pas de problème. Si vous travaillez chez un patron, oui, on peut l'appeler sans problème. Juste pour rigoler un peu. Ben oui. Allez, les conseils pas chers arrivent, mais d'abord vos 1500 euros. 1500 euros à gagner sur Skyrock. Le jeu des 1500 euros. C'est 1500 euros cash à gagner si tu réponds Skyrock. Et je donne l'enveloppe à Romano. Eh bien merci, parce que lui il lui reste 900. C'est pour l'ouvrir en bas. Ah, merde. Oui, il lui reste 2 bras, donc lui il peut encore ouvrir les enveloppes. Oui, parce que du full tendinite, vous le savez. Bah oui, on sait. Bon, en même temps qu'il ne le saurait pas vu le nombre de fois il nous le répète. Pourquoi tu dis ça? Par émission. J'en ai pas parlé une seule fois ce matin de la tendinite qui devait souffrir la c'est partir. Vrai. Tu rigoles, t'en as déjà parlé. Hein. Je ne me rappelle pas. Là, tu divagues. Je crois que c'est les médicaments. C'est les médocs. Alors, nous partons là dans le 12 à Millau. Millau. Oui, Millau. C'est là où il y a le viaduc. Ouais, c'est ça, le viaduc de Millau. Oui. Et c'est, nous allons chez Joël. Joël, une femme, hein, parce qu'il y a deux LE. Fautraise. Bien vu. Ou Fautré. Joël Vautré. Non, Fautré. Ou Fautraise. C'est parti chez les Fautré. Fautraise. Bonjour, Joël. Oui, bonjour. Comment ça va, Joël? Ça va, qui êtes-vous? Ah, la surprise du matin, Joël. C'est la radio au téléphone, on est en direct à la radio dans toute la France. Salut, ah Joël. Oui, on t'a tiré au sort dans l'annuaire, c'est pour t'offrir des sous. Ah bah c'est bien ça. Tous les matins, on distribue des chèques de 1 500 euros. Il y en a un pour toi, Joël. Ah, ce serait bien, oui, si c'était vrai. Eh, mais c'est vrai. Ah, c'est vrai, maintenant il faut répondre à la question. Eh oui. Faut nous dire, Joël, quelle est ta radio préférée? Et avoir la bonne. Et si t'as la bonne, tu repars avec 1500 euros, cash comme ça, direction Millau. Allez, Jojo. Énergie? Et non, Jojo. C'était, non. C'était Skyrock. Ah bon. Eh oui, Jojo. C'est dommage. Jojo, c'est mignon pour moi, mais ça fait plus pour un garçon. On va t'appeler Joël, c'est mieux. C'est Joël. Viens nous rejoindre sur Skyrock. Et, d'accord. Et n'hésite pas, la prochaine fois qu'on t'appelle, tu réponds Sky et c'est 1500 euros dans la poche. Ok. Tu sauras. Gros bisous, Joël. Salut. Merci. Joël. On t'embrasse. Bonne journée. Sympathique. Merci, Joël, du haut du viaduc de Millau. Malheureusement, elle repartira pas avec ses 1500 euros. Eh non. On embrasse. C'est William qui a gagné tout à l'heure. Ouais, c'est ça, William. William Demoulin. Et puis, vous aussi, hein. On vous appellera un jour pour les 1500 euros. Vous répondez Skyrock et c'est dans la poche. Le morning de Difool sur Skyrock. Les shows. Premier sur le cash. Ouais, et premier sur Soprano aussi. Il était avec nous lundi soir dans la radio libre. On s'est bien marré avec Soprano, le nouveau. Nouveau titre de Soprano extrait de son nouvel album. Sur Sky. Monsieur, avant ma chute, j'étais vraiment riche et heureux. J'étais le plus grand conseiller des hommes, même en haut lieu. On faisait appel à mes services pour prendre malheureux. Monsieur, tout le monde signait avec moi en fermant les yeux. Sur terre, le péché est un business fructueux. Je faisais mon chiffre en vendant le désir et le feu. Oui, le malheur des uns fait le bonheur du plus véreux. J'offrais le pouvoir au portefeuille du plus généreux. Mais l'époque a changé. L'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi. Oui, l'époque a changé. L'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches. Lui ont pris sa femme et ses dos. Sur le globe, depuis qu'on lui a pris son job. Non, le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches. Lui ont pris sa femme et ses bosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe, depuis qu'on lui a pris son job. Monsieur, les hommes d'aujourd'hui ont dépassé tous mes vœux. Certains exercent leur folie meurtrière au nom de Dieu. Le pétrole est une raison légitime pour mettre le feu. Certains pays rétrécissent, mais bon, restons silencieux. Malgré sa richesse, l'Afrique a toujours un creux. La télé m'a volé l'éducation de leur morveux. Internet brûle les neurones beaucoup plus que la beuh. L'enfer n'est plus chez moi, mais bel et bien chez vous, monsieur. Mais l'époque a changé. L'époque a changé, l'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches. Lui ont pris sa femme et ses bosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe depuis qu'on lui a pris son job. Non, le diable s'habille plus en Prada. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'enfer est bien plus gros sur terre. Depuis que les hommes font pire que Lucifer. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'enfer est bien plus gros sur terre. Depuis que les hommes font pire que Lucifer. C'est le nouveau Soprano sur Skyrock. Soprano extrait d'un nouvel album qui arrive. On écoutait Le Diable s'habille plus en Prada sur Skyrock. Il est 8h15. C'est l'heure des conseils pas chers. Avec 5 petites minutes de retard. Mais il n'y a pas de problème. C'est pas grave, on va les faire quand même. Bon, le temps c'est de l'argent. Donc je me ferai rembourser pour les 5 minutes de retard. Mais bien sûr. À part ça, tout va bien. Donc ce matin, je vais aller chercher des artisans. Oui. Pour faire des travaux chez moi. Je vais leur dire, moi j'ai vu leur devis, c'est trop cher. Je vais demander s'ils ne veulent pas venir gratos. Je leur paye un café quand même. Ah! Quand même. Et un verre d'eau. Ah bah dans ce cas-là, ça se refuse. Ah bah non, bah, ça, attends, je sais quand même recevoir. Tiens, je suis pompier volontaire, donc je fais des BA tous les jours. C'est Fire qui nous laisse un message. C'est bien, il y en a plein qui font des trucs gratuits. Moi, je m'occupe d'une association sportive. J'ai 17 ans et ma passion, c'est de devenir entraîneur de foot. J'entraîne des petits. Non, mais c'est bien. Je salue les petits que tu entraînes. Tiens, nettoyage à Montauban, appel, dit Foule. On a plein de numéros. Je tiens, maçonnerie à Mazamé aussi, très bien. Appelle mon patron, on est plombier dans le 17e à Paris. Ok. C'est bien noté. Il y a Nucléar aussi. Bon, je vais pas dire le nom de ta société, mais oui, j'ai vu. Société aussi de nom italien. Eh bien, on peut essayer de les appeler aussi. Il y a pas de problème. Regarde, Seb, il fait des bonnes actions. J'ai réparé la voiture d'une vieille qui se faisait enfler par le garagiste. C'est bien, Seb. C'est bien, hein, les auditeurs de Sky. T'as vu Alex SRB? Non, je pas vu. Société électricité. C'est mon cousin. Je taffe pour lui. En plus, c'est une vraie pince avec moi. Oh là, avec la famille, il fait ça. Ouais, bah attends. Bon, on s'occupe donc tout de suite des conseils pas chers du jour. On recherche des bénévoles pour réparer la maison. Attends, comme tu disais, 63% des Français déclarent avoir déjà donné leur temps. Bah là, ils vont me donner un peu de temps pour venir faire des travaux chez moi. Et leur temps bénévolement, attention. Romano a son truc à lui pour lutter contre la crise. Les conseils pas chers sur Skyrock. C'est sympa ces gens bénévoles qui peuvent t'aider. Bah j'espère que ça va marcher. Hein. Allez, c'est parti. Bah logiquement, on passe deux coups de fil et au moins sur les deux qui dit oui, d'après le sondage. Ah bah oui, 63%, on est presque même aux deux tiers. Ah ouais, ouais. Des Français bénévoles. En tout cas, il y a eu plein de messages que vous nous avez laissés. Moi, je passe dans une association. Les Restos du Cœur. Ah bah oui. Ouais, c'est bien. C'est super, les Restos du Cœur. Bah merci à toi. Ah je ouais. suis secouriste bénévole à la Croix-Rouge française pour Wilfried. Faites plein de bonnes actions, hein. Mon patron est maçon. Ah, c'est oui, Brahim qui nous laisse un message. Je suis monophile. Ah, là, bah, je suis pas ouvert. Vous pouvez me laisser votre message après le bip sonore. Une bonne voix, lui. Merci. Une bonne voix. Bon, dommage. Allô. Un autre. Allô, allô. Patrick Maçon. Allô. Oui, bonjour, c'est l'entreprise de maçonnerie. Oui. Oui, bonjour, comment vous allez? Ça va, ça va. Vous êtes la femme de Patrick? Oui. Alors, on n'attend pas Patrick? Il est dans le coin ou pas? Alors là, oui, il est dans le coin, mais je sais pas où. Hein. Ah, parce que dites voir, bon, la dernière fois, il est venu chez moi là faire un devis là pour des travaux là. Oui. Ah bah dis donc, c'est pas donné. Hein. Alors, moi, je voulais vous proposer, Patrick, il pourrait pas venir faire 2-3 travaux gratuitement chez moi? Je lui paye le café et des verres d'eau quand même. Ouais. Ouais. Qui se désaltère un peu. Ça désaltère. Oui. Ah bah ça désaltère. S'il préfère du vin, je peux lui donner un peu de vin. Hein. Et un petite bouteille de vin, on va lui prendre. Allez, ah, tiens. Une petite bouteille de Pilar. Allez. Patrick crache pas dessus lui. Hein. Bon, il peut venir faire un peu de peinture chez moi là. De la peinture. Bah oui. Il fait quoi lui, de la maçonnerie? Eh oui. Bah il peut bien passer un coup. Il peut bien passer une couche de peinture quand même. Il pourra monter un mur. Un mur sinon, ouais. J'aimerais bien monter un mur au milieu de mon salon. Comme ça, là, pour me séparer un peu de ma femme. Comme ça, de temps en temps, je peux me mettre un peu à l'écart, vous voyez. Vous me l'envoyez ce matin? Et je vous l'envoie où? Bah, chez moi. Ah, vous voulez l'adresse, on va vous la donner. Mais gratos, hein. Ouais, ouais. Il y a des verres d'eau et des bouteilles de vin. Surtout des bouteilles de vin. Ah, surtout des bouteilles de vin pour Patrick et sa petite femme. Et vous pouvez pas me le passer, là, comme ça, je vois directement avec lui, ce serait plus simple. Je crois qu'elle a accroché. Allô? Allô, elle est partie. Elle s'est barrée au scred. Je crois qu'elle est partie. Elle a pas envie que son Patrick devienne complètement alcoolique. Bah non, c'est ça. Et puis je crois qu'elle a pas trop envie qu'il bosse gratos non plus. Non plus, oui. Dommage. Alors normalement, le deuxième, c'est le bon. Alors on va chez Jackie, un électricien. Jackie l'électricien. Très bien. Appelez des Portugais radins, je les connais bien, c'est Regadin qui met ce message. Dans le 95, j'allais donner le nom de ta boîte. Viva Portugal! Viva Portugal, les Portugais sont radins aussi, comme toi. Allô? Oui, allô? Ouais, bonjour. Jackie. C'est Jackie? Oui. Oui, c'est bien vous l'électricien. Oui. Bon, ça va, pas trop d'ampoule au pied? C'est quoi encore ces conneries? Ah bah c'est quoi ces conneries, Jackie? Je voulais que tu viennes faire un peu d'électricité chez moi gratuitement. Oui. Pour rendre service. Tu fais pas de bénévolat un peu? Sois sympa, Patrick. Non, que dalle, le mec c'est barré. Il fait pas de bénévolat. Je crois que t'avais raison pour le sondage. Ouais, 63% ouais. des Français ont déclaré donner leur temps pour les autres, mais ne le font pas. Ah bah ouais. C'est vrai, quand on te pose la question, oui, tu es généreux. Bien sûr. Énormément. Ah, Romano, tu es généreux. Très. Ouais. Il faut faire attention aux sondages quand même. Il faut se méfier, il faut les vérifier, les sondages. On a bien fait de vérifier. En tout cas, on a trouvé des solutions pour Mathieu, l'auditeur de Skyrock d'hier soir. Ça fait plaisir. Merci à vous. Merci. 8h20. Et bien, dans un instant, le jeu de 8h20 qui aura lieu à 8h23. Hein, juste après le son de Bruno Mars sur Skyrock. On va jouer à Info Mytho. Encore une télé à gagner ce matin. Allez, c'est la folie ce matin. Une télé Samsung. Et une deuxième pour vous. Télé Samsung, Info Mytho, spécial livre des records. Guinness Book. Spécial record du monde. C'est juste après Bruno Mars et Just the Way You Are sur Sky. Oh, her eyes, make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Tell her every day. Oh, you know, you know, you know, I never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. Sur Skyrock, yeah, c'était Just the Way You Are. 8h23, on joue à Info Mytho. Deuxième rendez-vous avec Info Mytho et deuxième télé Samsung à gagner. La toute nouvelle Samsung, on vous l'offre. 101 cm, TV connectée, Ultra HD, 4K, ouais. Smart TV, donc vous pouvez la connecter avec Internet. C'est la dernière technologie, dernier modèle sorti. Magnifique. Elle est pour vous, elle est à gagner tout de suite sur Skyrock. Si vous voulez gagner, il faut d'abord être sélectionné. Voici la question de sélection pour Info ou Mytho. On va parler du plus grand adolescent du monde. Oui. Le plus grand adolescent du monde qui mesure pile un mètre de plus que toi, Romano. Il a 16 ans, il mesure 2 mètres 54. Wow, 2 mètres 54. 2 mètres 54, autrement dit, 1 mètre de plus que toi qui fais 1 mètre 54. Ah ouais, non, mais 2 mètres 54, c'est. C'est grand. Ah non, mais ça me ferait chier, moi. 16 ans, américain, plus grand ado du monde. Mais il va s'arrêter ou pas? Parce que à ce rythme-là, le mec, à 20 ans, il a 3 mètres. Mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Info ou mytho? Est-ce que c'est vrai ce que je vous ai dit là? 2 mètres 54, un ado de 16 ans aux États-Unis. Vos réponses au 41-759 si vous voulez être sélectionné, puis après vous jouerez avec deux autres records. Ouais. Et il faudra découvrir aussi le mytho. Alors Info Mytho, 41-759, appli Skyrock, Ponzanrio au message. Et n'oubliez pas surtout vos numéros de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler. Je vous donne le top officiel maintenant. Top. Oui. C'est parti. C'est bon. La télé Samsung, la toute dernière à gagner. C'est sur Skyrock maintenant. Il est 8h24. Salut, c'est Magali de Beauté Blog. Aujourd'hui, pas de tuto, c'est de Sephora dont je vais vous parler. Vous rêvez d'un teint allé, mais sans vacances ni soleil? Là, tout de suite, coup de bol, le make-up bar Sephora, c'est des super pros à votre dispo pour vous donner bonne mine en 15 minutes chrono. En plus, c'est gratuit et sans rendez-vous. Non mais regardez-moi, j'ai pas l'air de revenir des îles?

info, mytho. Qui dit vrai, qui dit faux. Et ouais, tu joues pour la télé Samsung. Écoute bien, Cynthia, on commence par l'info record de Romano. Oui, attention, un record. Et bon, j'ai choisi ça spécialement pour toi, Difool. Qu'est-ce que c'est? Le nez le plus long du monde. c'est moi? Non, c'est pas toi. Je suis dans le livre des records. Non, c'est pas toi qui es dans le livre des records. Alors, la mesure a été faite, tu sais, dans l'émission qui passait à l'époque en France, là, l'émission des records, là. Oui. Et en fait, donc, ça s'est passé en Turquie. Mmh. Et c'est un monsieur qui s'appelle Mehmet. C'est Mehmet. C'est Mehmet. Comme ton chien. Et alors, ils ont mesuré son nez. Donc, ils ont placé le mètre entre les yeux. Ouais. Au début du nez jusqu'à la pointe. Ouais. Et là, le monsieur, ça mesure quand même 8,8 cm. Donc, c'est-à-dire, en gros, ça fait un peu plus long qu'une cigarette. Ça veut dire que j'aurai un nez comme ça. Prenez un paquet de clopes, prenez une clope. C'est vrai que c'est hallucinant. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Info ou mytho? Écoute bien maintenant Karim, Cynthia. Alors moi, c'est le record du plus long poil de mamelon du monde. Magnifique. Mais sur une femme. Je savais même pas que ça existait. Ouais. Ça a été observé sur une femme, c'est une italienne. Ah bah et le poil mesure 35 cm. Oh, quelle horreur. Ah non. Elle l'entoure autour du téton. Elle peut faire des dreadlocks au téton, ah ouais. Magnifique. Alors, l'italienne qui a un poil de 35 cm ou alors le plus grand nez du monde, plus grand qu'une cigarette? Ouais, c'est Mehmet. Franchement, là, c'est un peu dur, mais je dirais info Romano et mytho Karim. J'aurais dit pareil que toi, mais est-ce que c'est vrai? Ah, eh bien oui, Mehmet a bel et bien le nez qui mesure 8,8 cm. Bravo, c'est gagné. Ouais, bravo. Pas bravo. Mal. Et merci. On est rassurés pour les Italiens. Elle n'a pas le plus long poil du mamelon, non, poil de mamelon, 35 cm. C'est un homme qui l'a et il mesure seulement 17 cm. Oh, bah ça va. Ah, bah 17 cm. Et pourquoi il le coupe pas, le con? Bah, parce que c'est pour être dans le désercor. Non, mais attends, écoutez bien, parce que c'est pas fini sur le nez. Une dernière information. Il y a le plus long nez de tous les temps. Non, mais là, lui, c'était hallucinant. Le mec était du Royaume-Uni, il s'appelait Thomas. Bon, ouais. C'était dans les années 1770, ça a été fait. Et le mec avait le nez, donc entre les yeux jusqu'à la pointe, ça mesurait 19 cm. Oh, comment dire, prenez deux clopes et encore ça suffit. Deux clopes pas. Et demi. Mais le mec devait être monstrueux. Oh là là, mais respirait bien quoi. Ah bah ça y est, ah ouais. J'espère, et il sentait super bien. Le mec avait du flair. Ah ouais, un sacré. Ouais. Cynthia, tu viens de gagner ta télé Samsung, la toute dernière, plus d'un mètre de télé. Plus 101 cm, ouais. Smart TV Ultra HD 4K. La totale pour toi. Bravo Cynthia. Merci beaucoup. Bah, je vous remercie. Puis continuez comme ça, vous déchirez. Eh ben voilà, ça s'est bien passé. Eh ouais, t'as attendu longtemps avant de passer sur Sky, tu repars avec une télé. C'est bien. Eh ouais, c'est bien. Merci, bravo. Franchement, merci. On vous offre votre télé tous les matins. Demain matin, on rejoue à 7h20, peut-être à 8h20 aussi, soyez là. C'est dans Info Mytho, dans le morning. Votre télé Samsung a gagné. Bisous, Cynthia. Bisous, bisous. Bisous, l'équipe. Bisous. Bisous, ma chérie. Ciao. Ciao. Bonne journée. Ouais, bonne journée à vous aussi. Et Afrotrap, partie 5. Le son de MHD. Il arrive. MHD sur Skyrock. Il y a du soleil dans la radio. Bon, on va voir du côté de la météo. Ça dépend où. Ah oui. Oui, voici votre météo. Vaut mieux être au sud qu'au nord, en gros, aujourd'hui. Hein. C'est ça, ouais. Dans le sud, pas de problème. Hein. Il fait beau dès ce matin. Ça va durer toute la journée. Par contre, eh ben, si vous êtes dans le nord-est, attention. On a 18 départements en alerte orange à partir de ce midi, là. De l'Aisne au Jura. Ça va concerner donc l'Alsace, la Champagne-Ardenne, la Franche-Comté, la Bourgogne et la Lorraine, où des orages assez impressionnants sont attendus. Les alertes dans le nord sont levées. Il reste 3 départements en vigilance crue dans l'heure, donc la Seine-Maritime et l'Essonne. Partout d'ailleurs, donc, agréable et surtout dans le sud, mais quelques averses possibles quand même dans l'après-midi. En Île-de-France, les températures ce matin, comprise dans le nord entre 11 et 15 degrés, 14 à Lille et 15 à Paris, de 15 à 20 dans le sud, 16 à Lyon et 19 à Marseille. Dans l'après-midi, il fera 18 à Boulogne-sur-Mer, 20 à Belfort, 21 à Dijon, 22 à Saint-Etienne et à Lille, 24 à Paris, 25 à Nantes et à Lyon, 26 à Marseille, 29 à Perpignan et 30 du côté de Mont-de-Marsan. Et puis la pollution, bah c'est très moyen aujourd'hui. Les indices compris entre 3 et 5, 5 à Orléans, Cherbourg, Poitiers, Bordeaux, Perpignan, Marseille, Lyon, Colmar et Reims. Des nouvelles de Laurent Blanc, des nouvelles de Zlatan, mais avant ça, toute l'actu sur Skyrock. Les pieds dans l'eau, les rues pleines de boue et des dégâts matériels importants. Le quotidien des intempéries se poursuit aujourd'hui dans le Grand Est avec des orages, on vient de le dire, prévus dans l'après-midi. Ça a bien pété hier, ce qui a provoqué par endroits des montées d'eau très rapides. Un homme de 71 ans est mort, noyé, pris au piège dans sa voiture dans le Pas-de-Calais près d'Arras. Des villages entiers ont été traversés par des coulées de boue à proximité de Strasbourg. Les pompiers sont intervenus près de 1000 fois en quelques heures. Des orages dans le ciel et des relations orageuses toujours entre la direction de la SNCF et les syndicats. La grève grève se poursuit pour le 8e jour d'affilée. Le mouvement a été reconduit par Sudrail et FO, Force Ouvrière. Les syndicats qui ne sont pas satisfaits du projet d'accord concernant le temps de travail. La CGT ne se prononce pas et s'en remet aux décisions des assemblées générales. Comptez aujourd'hui 3 TGV sur 4, 6 TER sur 10 et un Transilien ainsi qu'un Intercité sur 2 en région. La suite de l'enquête sur les actes présumés de pédophilie au sein du diocèse de Lyon. Le cardinal Barbarin est entendu depuis ce matin par la police lyonnaise. Il est accusé de non-dénonciation. Elle est la première femme de l'histoire des États-Unis à représenter un grand parti politique pour la course à la Maison-Blanche. Ça y est, c'est fait. Après un essai raté il y a 8 ans, Hillary Clinton sera bien la candidate investie du Parti démocrate. Elle sera opposée dans les urnes en novembre prochain au républicain Donald Trump. L'ex-secrétaire d'État a remercié ses électeurs cette nuit à New York et a été félicité par le président Obama. Son adversaire démocrate Bernie Sanders ne s'est pas encore exprimé. Et le point sur Laurent Blanc et la suite de ses aventures avec le PSG, ou pas d'ailleurs. Et Zlatan aussi, on en reparle tout de suite. Ah, c'est plutôt ou pas, là. Le PSG aurait choisi un triple vainqueur de la Ligue Europa pour le remplacer. C'est Unai Emery, le coach de Séville, qui pourrait dire oui au club de la capitale. Les discussions seraient très avancées. L'annonce quasi imminente. Unai Emery, quand même un record, hein, puisqu'il a gagné avec Séville 3 Ligue Europa d'affilée, ce qui n'était jamais arrivé au club espagnol. Quand je serai fatigué de vous lire, eh bien je vous dirai où je vais. C'est ce que Zlatan a dit au journaliste du Monde qui lui demandait de confirmer qu'il rejoint Manchester United. Le Suédois s'est longuement confié et il affirme avoir lui-même pris la décision de quitter Paris. Il explique qu'il n'avait plus rien à apporter à l'équipe et que son nom restera gravé à jamais. L'attaquant a même parlé politique. Il estime aider plus la France que Hollande ne le fait et assure qu'il peut le rendre populaire, mais qu'il ne sait pas s'il en a envie. Il est trop fort, Zlatan. The best. Mais oui, Zlatan. Ah, il va nous manquer. Bah, c'est vrai, oui. Il aurait dû rester à Paris. Et Paris, ils prennent des risques à changer toute l'équipe, tout ça, changer l'entraîneur, enlever Zlatan. Nouvelle ère. Mais faut prendre des risques pour gagner avec des champions. Mais non, mais c'est vrai, il prend des risques parce qu'il a dit on gagne tout au niveau national, mais maintenant faut attaquer la Champions League, quoi. Ouais, mec, on verra bien la Champions League. Sans Zlatan, ça va être difficile. Zlatan rigole déjà, c'est pour vous dire. Merci Rémi pour les infos. Il est 8h36 sur Skyrock. Le morning de Difool, 6h, 9h. Bon, on est chaud. Avec Difool et Romano sur Skyrock. Et ouais, on est là en direct avec vous et tout à l'heure avec également le réveil de star du jour. Ah, faut qu'on s'en refasse un là parce qu'on s'est bien marré tout à l'heure. Titeuf du dessin animé Titeuf qui appelle les familles, ça fait des espèces de rencontres surréalistes. Ouais. On parlait de ce qui pouvait occuper les enfants si vous avez des enfants à la maison. Eh bien écoutez, Titeuf, ça marche, mais ça marche aussi avec les gens de tous les âges, on a vu ça tout à l'heure. Hein. Ah ouais, ils discutent avec tranquillement. Ils sont contents. Ouais. Ils s'énervent parfois un petit peu, mais ça on aime bien. Mais il est sympa Titeuf. Moi j'aime bien Titeuf aussi, ouais. Hey bande de nazes. Ouais, c'est vrai que tu es une bonne merde. Hey, Romano, t'es un gros naze. Avec sa chérie Nadia. Ouais, c'est Nadia. Bon, Titeuf, le retour dans, dans un quart d'heure. D'ici là, vous aurez votre horoscope de l'amour et on va parler du stress ce matin. Qu'est-ce qui vous fait stresser? Dites-nous. Je parle de ça parce que dans une semaine, c'est le bac. Ouais. Le bac qui démarre, il y en a déjà qui ont commencé les oraux, pratiquement tout le monde. Il y en a qui ont commencé les options. Ils ont passé leur. Il y a eu les partiels qui ont déjà eu lieu. Leur partiel à la fac. Il y a les BTS, tout ça qui va arriver. Et puis le brevet pour terminer l'année. C'est dans un mois. Ouais. Donc dites-nous s'il y a des trucs qui vous stressent. Alors c'est pas forcément des trucs d'études parce que moi je fais pas d'études, je suis pas stressé, sauf à cause de mon épaule. Vous savez ma tendinite dont je vous ai pas parlé encore ce matin. Non, pas du tout. Donc ça me stresse. Bah tu vois moi c'est aussi ça me stresse. Ah, c'est gentil Romano, tu es stressé que j'ai une tendinite. Ça me fout les nerfs en pelote. Non mais vous savez que j'ai chopé une vraie merde. Hein. Oui. Non mais évitez cette saloperie, c'est une vraie merde. Ça fait une semaine que j'ai ce truc, ça ne passe pas et on m'a dit que ça pouvait durer 3 mois ou même à vie. J'ai vu ça sur Wikipédia hier, ça peut durer toute une vie. Vie. Ah, t'es foutu. La tendinite chronique. Non, j'adore ton conseil. C'est nous qui sommes foutus. Ouais. Pourquoi? T'as vu son conseil? Faites attention, ne faites pas. Enfin, je sais pas ce que t'as dit. Faites attention, fais pas de tendinite. Mmh. Comme si on choisissait quoi. Eh bien oui, mais c'est quand tu fais du sport. Moi j'ai vu, c'est pas j'étais trop sportif. C'est écrit sur Wikipédia. Allez, sportif. Allez, dis full plat toi. Pourquoi tu mets cette musique? Bah parce que c'est un peu le bad. Dis-le, dis que t'as mal. J'ai mal. comme MHD. J'ai mal, maman, j'ai mal. Non mais c'est vrai, ça me stresse, j'ai peur d'avoir ça tout l'été, que ça me pourrisse mes vacances. Ah bah c'est clair, c'est possible. Ah bah c'est bien parti. T'imagines le bras en écharpe sur la plage? C'est avec les mes. Comment tu vas faire pour planter ton parasol? Les marques de bronzage qu'il va avoir. Et pour nager? Ah bah si, tu veux faire la nage indienne, c'est ça. Oui. Bon, qu'est-ce qui vous stresse? Dites-nous un gros coup de stress que vous avez eu. Alors examen ou tout le reste, et on nous dit passage du permis de conduire pour Sonia là sur le 41. Ah, ça c'est vrai, ça stresse. Hein. Grave. Passage du permis, bah ouais, ça coûte cher, si tu le loupes, faut repayer, c'est horrible ça. Bah moi ce qui me stresse c'est mon téléphone bloqué, ma carte bleue que je n'ai pas. Tiens, un message qui me stresse, un message de virgule, 40 ans dans le 27, ça fait 2 ans d'Ifoul que j'ai une tendinite à l'épaule et au poignet. Courage, Tu n'as pas fini. Non, plein d'espoir. Faut pas m'envoyer des messages comme ça, dites donc. Non, je remonte un peu la musique, celui-là, ça vaut le coup quand même. Le Monk de Boston qui nous dit « Moi, mon fils arrive en juillet, ça me stresse pour ma femme. » Ah ouais. Ah bah parce qu'elle va accoucher. Bah ouais ouais. Et puis après, la vie va changer aussi. Ah ouais. A priori. C'est un CDI ouais. Le stress pour moi, c'est de voir ma belle-mère mort de rire. Message de Yann Pack. Bon, on va mater vos stress. Et on lutte contre le stress dans un instant. Moi, il y a un truc à la con, mais par exemple les bouchons, ça me stresse, tu vois. Ah c'est vrai. T'es coincé et tout, t'avances pas. Bah achète un tire-bouchon. Bah voilà. Dans le morning de D-Fool. Skyrock promet ce MHD. Mais ouais, on parlait de MHD. Bah tiens, un autre son de son album après Maman J'ai Mal. Et bah on se fait un petit Afro-trap. Ouais, oui, Afro-trap partie 5. C'est MHD sur Sky. On reconnaît les pas, on reconnaît les bâtards qui partent par intérêt. On paraît tout penser de temps. Après que MHD, il est tout terrain. Qui veut la bagarre? Enfuis ta tenue, mon gars, place au combat. On chie pas le fatigue, paye en test. Mon bon qui va gérer mes vêtements. MHD, ça tue pour les mecs de la heure. Je pense de mon délai, c'est pas si t'as vu. Hein, mon ami, c'est bon, l'enfant, aïe, que bouger ta vie. Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Nantes, Paris, Wallé. Faut que les jalousies m'en va vite. À 11h, je vis ça avant même. Gardez, appétit, quand je pars, j'ai la boule à du Brésil. Imbécile, je veux pas loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Gardez, appétit. Gatti appétit. Tout ça n'est qu'éphémère, pas les prix si je te plais pas. Me mépriser mes gars sont mes plaies. Ça me fait bizarre quand je vois les gens danser sur la moula. Ouais, est-ce que bête, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pris du galon depuis la partie 1. Bon, j'ai pas quitté le check, c'est la rue, la vraie. Avec du lard, connais pas la porte claire. On se tue l'air, que c'est moi qui le passe. Ça passe, tu parles, on sait que tu ne passes pas. J'ai plus de cellulaire quand la ligne est restreinte. Gatti quand je veux pas, je la boule à du Brésil. Imbécile, je veux pas loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Gatti appétit. Quand je veux pas, je la boule à du Brésil. Imbécile, je veux pas loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Gatti appétit. Partie 5, MHD, découverte Skyrock. Il est super MHD, il était passé dans la radio libre. Ouais, on avait fait un magnifique duo sur la Champions League. Et on avait fait un concours de pa-pa-pa-pa. J'avais été numéro 1, je crois, non? Ouais, bah évidemment. Je crois quoi, ouais. Il me semble. Même devant MHD. Ouais, je crois qu'il était mort de rire quand je lui ai fait pa-pa-pa-pa. MHD, son célèbre cri de guerre. Pa-pa-pa-pa. C'est le morning sur Skyrock, il est 8h43. Merci de vous réveiller avec nous, merci de passer la matinée avec nous. C'est bien, on se marre bien, on fait les cons. Mais on parle également de choses sérieuses et on va lutter contre le stress ce matin. Une des maladies de ce 21e siècle. Ouais, c'est vrai, les gens sont très stressés. Et une maladie surtout de la fin de l'année pour tous ceux qui passent des examens, qui ont des trucs à passer. Ouais. Tiens, il y a des entretiens d'embauche, on n'y pensait pas, on n'en a pas parlé. Mais les entretiens d'embauche pour Frérot qui nous a envoyé un message tout à l'heure, qui passe un entretien d'embauche demain matin. Je suis déjà stressé, Frérot. Bien, mon frérot. Bon courage à toi. Bon, qu'est-ce qui vous a stressé ces derniers temps? Message qui arrive plein en masse. Résultat de mon concours d'infirmière vendredi, ça me stresse grave. C'est Sam, 19 ans, qui nous envoie un message. Ne pas avoir de club pour aller bosser. C'est mon plus grand stress pour Matt du 54, je te comprends. Non mais des fois c'est un truc à la con, genre t'as oublié ton téléphone, tes clés, ça peut te stresser. Ah bah ça me stresse. Ah bah voilà. Moi d'oublier mon téléphone, d'oublier les clés quand j'ai fermé la porte et qu'elles sont à l'intérieur, ça me super stresse. Ouais. Tiens, il y a Constance, là, 23 ans, c'est mon oral de soutenance aujourd'hui pour ma licence banque. Souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance, merde. Ouais, on te dit merde, plus ça porte bonne chance, merde. Exactement, je stresse à cause de D-Fool car il a une tendinite. Oh, très beau message qui nous est envoyé par David du 42. C'est gentil. Très bien, David, il stresse pour moi. Ah, ça, c'est bien parce que moi, j'ai des amis, je croyais plus d'ailleurs, plus attaché à moi, qui n'arrêtent pas de me critiquer depuis que je suis malade. Non, mais surtout, t'arrêtes pas de te plaindre. Mais je me suis pas plaint de la matinée. Ah si si, mais tu t'en rends plus compte. Alors que je souffre le martyr. Putain. J'ai chopé une tendinite au biceps après un torticolis, trop mal, je compatis Sidi Foul. Merci FX. Oh là là. Il a 29 ans FX, je t'embrasse. Allez Sidi Foul. Demain c'est le torticolis en plus. Ah au soleil la tendinite passe mieux. Ah ouais, mais bon, c'est temps-ci du côté de Paris, tu sais, on n'est pas aidé Angèle. Ouais. Angèle du 59, Angel pardon, c'est une américaine du 59. Romano, à part ton téléphone où t'as perdu ton code PUC. Ouais. À part ta carte bleue où tu n'as plus de carte bleue, qu'est-ce qui te stresse ? C'est déjà pas mal. Oui, non mais Ah ouais, ça va, comédien, va. Et t'es en fou blanc. Mais t'as non, tu vas voir. Non, mais toi, mais. C'est... Non, mais il a mal, ça fait pas. Bah vas-y, bah soigne-le. Respecte un peu. Tiens, voilà, t'as trouvé une infirmière. Non, mais je veux pas Cédric comme infirmière. Bah, c'est si, gentil, Cédric. Vas-y, viens, je vais m'occuper de toi. Alors, qu'est-ce qui te stresse? Moi, ce qui me. Je te dis, les bouchons, moi, ça m'énerve. Ouais. Y a plein de trucs. Moi, je suis assez facilement stressable. Ah ouais? Ah ouais, moi, y a un truc qui me stresse, ouais. C'est quoi? C'est quand tu fais rien que t'as la police à côté de toi qui te regarde. Genre, t'as quelque chose à te reprocher, quoi. Bah, ça veut dire que t'es pas clair, toi. Non, pas non, net. Si, si. Ah, t'es pas net, Cédric. Ouais. Ça veut dire que tu traînes dans des affaires louches. Ouais, non, mais t'es au feu rouge, ils te regardent comme si t'avais fait quelque chose de bizarre. Non, il a raison, Cédric. Moi aussi, ça me le fait. Non, mais pareil. Toi, ouais. Tu dis, putain, ils vont me faire chier. Qu'est-ce qu'ils vont me demander? Non, un truc qui me stresse, c'est genre quand t'es au péage et que tu vois qu'il y a la douane. Et tu sais qu'ils regardent et tu te dis est-ce que c'est moi qui vais y avoir droit quoi. Ouais, est-ce qu'ils vont me faire chier, est-ce qu'ils vont me dire, est-ce que une ça va être à moi qu'ils vont dire mettez-vous sur le côté monsieur. Oui, allez évitez votre coffre. Ouais, allez, on va ouvrir. Chaque fois, je stresse, je suis là. Oh putain. On va ouvrir les valises, après t'as toutes les valises à refaire. Ah, une galère. C'est quand j'arrive en retard, je suis stressé, je déteste arriver en retard. Ah, pareil, j'aime pas trop. La semaine dernière avec les inondations, c'était compliqué pour accéder à la radio le soir, mais ça m'énervait. Mais tu es venu à la nage, aucun problème. Oui. C'est toi qui es venu en barque la semaine dernière, Romano. Bah, c'est ça, ouais. Ouais. Moi les factures. Ah ouais. Ça c'est nani. Non, alors tu vois, tiens, le truc que j'ai fait là il fallait le faire de toute façon, c'était la déclaration d'impôt. Ouais. Ça tous les ans, c'est un stress, je me dis ouais, si je me plante et que je paye plus que prévu ou alors qu'il me colle un contrôle fiscal ou un redressement. Alors ouais. Ça moi c'est mon angoisse, bah jusqu'en août, jusqu'à temps de recevoir le truc officiel. Et après tu payes et ça te stresse pas de payer. Ah, bah si, ouais, ça me fait chier aussi. Ah, alors je stresse, bah j'ai pas gagné mes places encore pour l'euro sur Skyrock, c'est qui? Jennifer Z, 21 ans. Ah bah on sait jamais hein. C'est Sony qui a gagné ce matin les 8e de finale. Ouais. En parlant de l'euro. Bon, un petit sondage ce matin. Les élèves de terminale, puisque le bac c'est dans une semaine, on voulait fêter ça. Ah super, une grosse teuf. Hein. Ah ouais, vraiment profitez. Hein. Il y a 63% des élèves de terminale qui pensent obtenir leur bac. Vous êtes pessimistes les élèves de terminale parce que vous êtes plus de 80% à l'avoir tous les ans. 88% l'année dernière. 87,8 exactement ont eu leur bac et seulement 63% disent qu'ils vont l'avoir. Mais ça c'est la faute des filles, je suis sûr. Pourquoi? Parce qu'elles sont toujours là. Ah putain, je sais rien, je vais pas y arriver, j'ai tout loupé. Non, mais en plus c'est vrai parce que dans le sondage t'as pas vu, non. 71% des garçons sont confiants, ouais. Alors que les filles elles sont seulement 61%. Et alors que les filles sont plus nombreuses à avoir leur bac que les mecs. Ah ouais, et alors t'en as quand même 6% qui disent les doigts dans le nez. Tranquille. Ah ouais. Ouais. 6% qui stressent pas. Ah ouais, donc j'avais raison avec mon histoire de filles. Eh ouais, Difoul, mais tu as toujours raison. Oh bah c'est bien. Mais oh, c'est vrai, tu as raison. Non, mais non, mais c'est vrai. Bon, c'est vrai, pourquoi je me posais la question? Donc c'est vrai, les filles, vous êtes là. Ah, putain, on va le louper. Ah, ça me foutait la rage, genre en cours. Ah, j'ai tout raté, je vais avoir une sale note. Tu rendais la copie, elle se tapait un 18. Grave. Ouais, c'était la colasse. Et toi, t'es content avec ta feuille, t'as une 9. Ouais. Donc des idées pour déstresser. Bah, on peut peut-être appeler les familles, demander un petit service. Qu'est-ce que tu veux demander aux familles? Bah, qu'elles nous déstressent, je sais pas, qu'elles nous payent un café ou un truc, ou un petit massage. Café, massage. Ouais, voilà, ouais. Un c'est café bien. Pour déstresser, t'es sûr? Ouais. Une cigarette. ou un pétard. Oh, voilà, c'est bien. Voilà, on va demander un pétard. Allez, c'est parti. Le French Test sur Skyrock. Allez, opération déstressage. C'est parti chez qui, Cédric? Chez Michel. Est-ce Michel. Que tu peux préparer les bruits de paix, s'il te plaît? Parce que quand je suis stressé, ça me fait des trucs au bide, moi. Cédric, mets le micro au niveau de ton anus. Vas-y, pas de problème. Oh, vas-y. Sans souci. Prépare le tien. Allô? Oui, bonjour madame, c'est la femme à Michel. Vous ne savez plus. Ah, pardon? Vous êtes la femme à Michel? Oui. Oui, c'est bonjour. Bien. Comment allez-vous? Eh ben, ça va. Eh ben, écoutez, moi, ça va moyen. Là, je vais passer des examens au niveau de l'école. Je suis tout stressé. Mais tout stressé, tout chonchon. Je sais pas, j'ai mal au ventre et tout ça. Ça ne va pas du tout. Ah bon? Ah oui, bah écoutez, ça va pas du tout. J'ai très très mal au ventre. Bien joué, Cédric. Est-ce que je pourrais passer vous voir éventuellement, comme ça on fume un petit pétard ensemble? Pour se déstresser. La femme à Michel. Ben ça va pas, non? Ah bah si, ça va bien. Ou alors un petit verre de vin? Non, allez, vous plaisantez quoi. Allez, la femme à Michel, paye ton joint d'herbe. Oui, allez, au revoir. Elle doit en avoir, c'est sûr. Non, Non, mais la ciboulette, la, non, des trucs, les herbes de Provence. Pas, il y a bien un truc à fumer, quoi. Bah oui. Ou du gazon du jardin. Ou Du romarin. Un autre, c'est qui qu'on... Jean-Pierre. Jean-Pierre. Ah, Jean-Pierre, j'espère qu'il va payer son pétard. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Tiens, j'ai Kader qui nous dit, moi, j'ai pas stressé, j'ai eu mon bac en révisant tout la veille. Je l'avais même raté. La femme de Roland. Ah, allô, la femme de Roland. Je l'avais quand même raté deux fois avant. Ah. La femme de Roland. Allô. Oui, bonjour, c'est la femme de Roland. Oui. Oui, bonjour, comment allez-vous? Ça va. Roland est dans le coin? Non. Ah bon, bah écoutez, c'est pas grave, hein, je vais voir avec vous. En fait, je vous explique, là ce matin, je vais passer un examen, pas médical, hein, un examen pour, vous savez, pour l'école. Oui. Oui, et je suis énormément stressé, j'ai la boule au ventre. Oui, bah, ah, ça m'étonne pas ah, du bah, tout. Ah bah oui, bah, la boule, elle est en train de sortir, j'ai l'impression, là. Ouais. Ah ouais. Ouais, dites voir, je voulais vous demander un petit service, là. Allô. Oui, vous m'entendez? Oui, bien sûr. Oui, dites voir, est-ce que je pourrais venir passer vous voir, éventuellement, et puis vous me payez un petit pétard? Ah oui, ça me ferait plaisir. Vous avez quoi, de l'herbe ou du shit, vous? Oh, j'aime tout, moi. Ah bah, vous aimez tout. Ah bah, écoutez, j'arrive, on s'enroule un dans le salon, tranquillement, et puis après, j'irai passer mon examen. Oui, ben allez vous faire foutre. Oh, bah. On s'y attendait pas. Oh, bah. Allez vous faire foutre. Un peu de politesse, madame, quand même. Champion. Elle est super, elle. Bon, bah, bon courage, en tout cas, à tous ceux qui ont des examens et qui sont en train de réviser ce matin. Putain, tu révises ce matin. Waouh, waouh, waouh. Chewbacca qui nous envoie un message, qui est en train de réviser pour bon le bac courage. De la semaine prochaine. Bon courage, oui. Bon courage, Chewbacca. Dans une minute, l'horoscope de l'amour et le réveil de Star qui revient sur Skyrock. Réveil de Star. On va rigoler, c'est avec Titeuf ce matin. Oui. Et Florida, écoutez aussi, il est, oula, déjà 8h51. Emmerich à la journée mondiale des donneurs de sang, 14 juin 2016. Salut, c'est Emmerich, je suis à la journée mondiale des donneurs de sang et je viens de rencontrer Malika. Alors Malika, on est sur Skyrock, tu peux nous dire pourquoi c'est important de donner son sang? Bah, c'est important de donner son sang parce que ça sauve des vies. Comme tu le sais, on n'a pas souvent l'occasion de pouvoir sauver des vies, sauf si on est médecin ou pompier. Et bah là, c'est un geste simple. Quand on donne son sang, on sauve des vies. C'est vrai que vu comme ça. Merci Malika pour ton témoignage. Toi aussi, sauve des vies en donnant ton sang. Toutes les infos sur jedonnemonsang.net. Intermarché réinvente la fidélité. Vous en donnez plus? On ne pouvait pas faire moins. Oui, tous les jours, 10% en avantage carte sur deux de nos marques producteurs commerçants. Ce mois-ci, les marques Monique Ranou et Paquito. 10% en plus pour mieux récompenser votre fidélité? C'est aussi ça, être producteur commerçant. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Offre soumise à conditions, voire conditions complètes à l'accueil de votre magasin et sur intermarché.com. Et hop là, c'est parti, l'horoscope de ce mercredi 8 juin. L'horoscope de l'amour sur Skyrock. On parlait de pétard, on parle de 8 juin maintenant, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah oui, alors, voici donc l'horoscope et les puissances amoureuses de tous les signes. Les Sagittaires, les Scorpions et Zéro aujourd'hui. Vous voulez tout contrôler. Le seul résultat que vous aurez avec ça, c'est d'énerver les gens qui vous entourent. Et notamment votre chérie si vous êtes déjà en couple. Aïe. Sagittaire, Scorpion, Zéro. 1 sur 5, les Capricornes et les Béliers. Vous vous focalisez trop sur ce que les autres pensent de vous. Ouais, c'est pas important. Ouais, chacun sa vie. Hein. Exactement, restez fidèle à vous-même et vous verrez, c'est comme ça que tout ira le mieux. 2 sur 5, les Cancers et les Lions, attention, malentendus, surtout en amour aujourd'hui. Ça peut créer des conflits et non des fonclis. On voudra rien dire. 3 sur 5, les Taureaux et les Gémeaux, vous êtes en mode tranquille aujourd'hui, vous vous laissez aller et vous laissez tranquillement les autres venir vers vous. Bah, vous verrez, ce sera efficace, surtout pour ceux et celles qui sont célibataires. 4 sur 5, les Verseaux et les Balances, célibataires ou couple, vous avez le courage de faire le premier pas vers les autres et en plus, vous serez récompensé, vous avez fait plein d'efforts ces derniers temps. Ah bah c'est bien, ça paye. Et bien ça va payer aujourd'hui les Verseaux et les Balances. Et pour finir, les meilleurs, les Poissons et les Vierges. Une journée qui démarre au top, qui se déroulera très bien, qui finira au top aussi. En gros, journée top pour les Poissons et les Vierges. C'est la journée de l'amour pour vous. Le Morning Daddy Fool. En direct et jusqu'à 9h sur Skyrock. Et dans un instant, réveil de star. Comment va réagir Serge? Serge avec Titeuf. Bon, lui il ouvre du champagne, c'est bien. Voilà. Allez, Florida, juste après Florida, réveil de star. Pour yourself something cold, baby, cheers to this. Sometimes you gotta stay in, and you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in, and welcome to my house. Baby, take control now. We can't even slow down. We don't have to go out. Welcome to my house. We'll be right back. arms and you know that you wanna stay. Close the blinds, let's pretend that the time has changed. Keep our clothes on the floor, open up champagne. Let's continue tonight, come on, celebrate. That's how we do. Sometimes you gotta stay in, and you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in, and welcome to my house. Baby, take control. A shot of vodka, you know what's in my glass. It's my house, just relax. Welcome to my house, baby, take control now. We can't even slow hit the brakes, down. Hit the brakes, we slow don't down. Have to go. Cheers to this. Welcome to my house. It's my house. Et non, welcome to my ass. Comme on nous le disait sur SMS, il y a Franck qui nous disait, mais je ne comprends pas, c'est welcome to my ass. Lol, mort de rire. Non, c'est pas bienvenue dans mon cul. Non, c'est bienvenue dans ma maison. Il fait visiter sa maison et il fait un carton dans le monde entier avec ça. Le son de Florida. Il est 8h56, c'est l'heure du réveil de star tout de suite. Allez. Le réveil de star. Une star, un appel. On écoute. Et ouais, on va écouter Serge et Titeuf ce matin. Alors Titeuf, l'ami des enfants et des plus grands aussi. Ah oui, oui. Alors Titeuf, c'est lui. C'est moi, Titeuf. Bah oui, je sais que c'est toi, Titeuf. Je t'ai reconnu, Titeuf, bonjour. Oh, salut. J'adore salut. Sa voix et sa coupe de cheveux, moi. J'adore avec sa voix. Sa mèche, la vue. J'aime bien quand il fait... Bonjour, c'est Titeuf à l'appareil. Bonjour. Et j'aime bien quand il insulte aussi. Bande de nazes. Ah ça, voilà, ça j'aime bien. Bande de nazes. Bande de nazes. C'est Titeuf qui va réveiller, qui a réveillé la famille de Serge. Ce matin. T'es vraiment un gros dégueu. Mais non, on appelle Serge, c'est quelqu'un de très bien. Vous êtes vraiment des pauvres nages de la tête. Très bien, elle est énervée, Titeuf. Allez, bon, on va le lâcher là. Lâchons-le, Titeuf et Serge et la famille. Le réveil de star tous les matins. Une grande star réveille les Français. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. C'est, vous êtes qui? C'est Titeuf à l'appareil. Titeuf, oui. C'est pour le poker? Pour le poker. Bah oui. Ouais, mais pour l'instant, il peut pas vous renseigner. Vous ne devinerez jamais ce qui vient de m'arriver. Bah allez-y. Une fille absolument super m'a abordé tout à l'heure dans la rue pour me donner un rendez-vous. C'est la dure. Oui, sûrement. Vous avez jamais vu une vedette de star ou quoi? Oh non, je fréquente pas ces gens-là, moi. Même que je vais jouer un rôle à Hollywood. À Hollywood? Ah, d'accord. Bah oui, madame. Oui, bah la belle connerie, quoi. Hein, Hollywood. L'un d'entre vous veut peut-être des autographes dédicacés? Non, c'est bon. Pauvre libre. Des autographes à Hollywood, des stars de la vedette. Il est super, Titeuf. Bon contact avec la femme de Serge. Ouais. Eh bien, on l'a rappelé, la femme de Serge. Ah. Allô? Hey, comment ça va, les pauvres nazes? Bon, écoutez, arrêtez vos conneries, on a ras-le-bol, hein. Tu sais ce que c'est, toi, une directrice de casting? J'en ai rien à foutre. Je pourrais parler de toi, au producteur? Je vous emmerde. T'es vraiment un gros dégueu. Oui, bah c'est pas grave, c'est vous qui commencez à me faire chier. Mon ami va pas tarder à arriver. Continuez, vous allez voir. Embrasse-moi encore une fois, mon amour adoré. Oh ta gueule, connard. Ouais, ça parle mal. Ta gueule, connard. Ouais, ta gueule, connard. Eh bien, le contact est tellement bon. Et allez, puis on y retourne. On espère avoir Serge au bout d'un moment. On y retourne. Ah, Sergio. Oui. Allez, vas-y. Attention, Serge, va-t-il répondre, Serge? Je crois qu'il était aux toilettes, non? Ouais, c'est possible. C'est dans les heures. Allô? Bonjour, c'est Titeuf à l'appareil. Ouais, Titeuf, va te faire cuire un œuf. Non, mais ça va pas, qu'est-ce que j'ai fait? Mais parce que je te connais pas, moi, Titeuf. Je connais pas Titeuf. Je m'en fous! Bon, ça va durer vos conneries, là? Elle revient. J'ai pas dit mon dernier mot. Je vous emmerde! Moi, je sais depuis hier soir comment faire pour embrasser les filles. Oui, bon, ouais. Allez, ça va, hein. Oh, non! Vous arrêtez vos grosses conneries? Tu sais que tu m'embêtes, toi! Bon, ta gueule!

to the fire. Spraying like your name on a flyer. They wanna tame your desire, but you light it up, now your aim getting higher. I they wait for Messiah, but until that day, I'ma rise up high. I put my light in the air, I wanna see everywhere. One by one, let me see you. Two by two, wanna see you. Pay my way for my people. I know, say I'm out, take me next, let my neighbor. Yeah, let me see you. Put your light up. Two by two, wanna see you. Il est 9h05 sur Skyrock, une belle journée qui démarre, plein de cadeaux qu'on vous a offerts et un beau jingle du morning. C'est le morning de Difool. The morning show. 6h-9h sur Skyrock. Oui, un jingle avec des Américains à l'intérieur parce que vous nous écoutez du monde entier avec votre belle appli Skyrock, c'est magnifique. Téléchargeable partout, elle est gratuite, elle est pas chère. Elle est gratuite, pas chère. Un petit conseil pas cher in extremis de Romano qui en profite à n'importe quel moment, pour vous donner des conseils ce matin. Ouais, pas de souci. Bon, on a fait plein de choses dans le morning. On a offert les premières places de foot de la journée. C'est Sony qui a gagné. Il a gagné les places de foot pour les huitièmes de finale. Eh oui, ouais. Bon, on n'a pas encore l'affiche du coup, mais. Non, on la connaît pas encore, mais en tout cas, ce sera un gros match. Mais il y sera. Ouais, il y sera. Vous y serez peut-être vous aussi. Les places des huitièmes, des quarts, des demi, la finale également à gagner sur Skyrock. Et puis tous les matchs de toutes les équipes et notamment de l'équipe de France. On vous offre ça grâce au Crédit Agricole. Ils nous ont filé 200 places. Merci le Crédit Agricole. Encore, merci le Crédit Agricole. Et ouais, on vous offre 200 places. Il y en aura d'autres à gagner avant midi. Et un gros match avec Fredo là dans. Allez. Dans moins de 3 heures, parce que ça va se passer avant midi. Je prends pas de risque comme ça. Ouais, c'est bien. Voilà, à n'importe quel moment de Fred ce matin, vous pouvez gagner vos places. On vous a offert des places, on n'a pas fait que ça ce matin. Voici le grand zap du morning. Il s'est passé plein de choses. Et à 9h07, c'est l'heure de faire un petit bilan. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? On a parlé d'animaux, on a parlé de vacances avec toi, Romano. Ouais. Vacances gratuites, il a réussi à choper des vacances gratuites pas chères. On a appelé la CGT avec Pamela. Oui, c'est vrai. On a déstressé les Français aussi ce matin. Bon, bah écoutez bien, c'est le zap. Le zap du morning. Dès vendredi, il sera là avec nous. Oui. C'est Nénette, ton Mehmet, chien. Mehmet. Voilà, c'est sa tête-tête, le chien de Romano. Non, pas tête-tête non plus. Et de Carriole qui Mehmet. Débarque pour faire les pronostics. Il pronostiquera France-Roumanie. Il a déjà une idée, il se concentre, il regarde les infos un peu partout. Là, il se concentre et il est en train de regarder BFM en ce moment. Il fait quelques pronostics, il commence. Oui, à réfléchir un petit voilà, peu. Voilà, mais le plus tôt, je sais pas, sur Bein peut-être. Alors, qui dit vrai, qui dit faux? Bon, ben je vais dire info Carriole et mytho Romano. Eh bien, c'est tout bon, c'est gagné. Bip. Eh bien, ta télé Samsung, elle fait plus d'un mètre. C'est une Smart TV 4K. Ultra HD, Smart TV, la folie. La folie, elle est pour toi, Caroline. Bravo. Je suis trop contente, merci à toute l'équipe. Eh bien, Titeuf appelle Didier ce matin. Le réveil de Didier, réveil de star avec Titeuf. Allez. Oh, salut. C'est qui? C'est Titeuf à l'appareil. Bah, je connais pas Titeuf, moi. Hey, comment ça va, les pauvres nazes? Alors, toi, là maintenant, tu vas me foutre la paix puis tu me laisses tranquille, ok? C'est ça, retourne chez ta mère. Bonjour, non, mais dis donc, Titeuf, ça va bien, ouais. Je voulais savoir, cet été, vous avez déjà prévu vos vacances? Oui, oui. Vous partez où, vous? En Bretagne. En Bretagne. Très bien. Ah bah très bien, bah je vais venir avec vous. Bah ça, il pourra s'occuper des enfants. Voilà, et puis je m'occuperai aussi de Philippe, je toucherai la nouille. Bon bah ça marche. Ah bah c'est fort sympathique. Merci. Ah bien, ah bah de rien. Ah bah gros bisous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Ah bah ça y est, j'ai mes vacances. Ah, t'es trop fort Romano, bravo. Mes vacances en Bretagne avec Philippe et sa femme, très sympa. Je dirais info Romano et mytho Karim. J'aurais dit pareil que toi, mais est-ce que c'est vrai? Ah, eh bien oui, bravo, c'est gagné. Oui, bravo. Cynthia, tu viens de gagner ta télé Samsung, la toute dernière. Plus d'un mètre de télé, plus... 101 cm, ouais. Smart TV, Ultra HD, 4K. La totale pour toi, bravo Cynthia. Merci beaucoup. Quand tu veux, tu dis stop Sony. C'est parti. Et Skyrock est la radio qui vous offre le plus de places de l'euro. Ouais. C'est nous. Et bah tiens, deux places pour toi Sony, les huitièmes de finale, c'est gagné. Bravo. William, on va te poser une question, c'est pour gagner 1500 euros. C'est pour ça qu'on t'appelle ce matin. Il faut nous dire, quelle est ta radio préférée, William? C'est Skyrock. Eh bah Skyrock. Eh bah voilà. Tu crois que c'est Skyrock? Ouais. Eh bah c'est gagné. Eh bah t'as bien. Eh bah oui. Bravo. Tu crois bien William, tu viens de gagner 1 500 € en direct à Moulins ce matin, bravo. Eh oui, dans l'Allier, c'est tombé ce matin. Bravo William, 1 500 € et peut-être pour vous le prochain coup vous répondez Skyrock, c'est dans la poche. Ouais. Et on est pile à l'heure, il est 9h10. Magnifique, c'est l'heure de trouver Fredo maintenant. Salut Fred. Je suis là, comment ça va? Bien. Salut. Ce matin. Salut. Encore une fois avec plein de places de foot à gagner tout au long de la journée sur Skyrock. Ne quittez pas Sky. En plus, on a plein de nouveautés. Exact. Et toi, tu vas t'occuper de tout ça. Je m'occupe de tout, je balance tout ça. J'ai vu que t'avais le nouveau Joule, le nouveau Sopra qu'on a mis ce matin. Oh, ça va être la folie. La folie totale. Je dirais même, Fred, de la folie folle ce matin. À 48 heures de l'euro. Et ouais, J-2 hein, pour l'euro. J-2. J-2 et encore des places à gagner toute la journée. Restez bien dans le coin, profitez bien du son de Skyrock. Et Diffoul, je ne t'ai pas demandé comment va le bras. Oh. Eh ben écoute, Fred, on va te l'envoyer. Comme ça, tu te raconteras ça en détail hors antenne, ça sera parfait. Tu vas envoyer mon bras à Fred? Non, mais t'y vas. Tu vas aller voir Fred. Et il faut que tu me donnes des sous aussi. Ouais, d'accord, ok. Je vais vous laisser très rapidement. Je fuis parce que Romano est excité ce matin. Non, mais sérieux, il faut que tu me donnes des sous. Non, mais des sous pour quoi là? Pour acheter de la déco pour les bleus. Mais ça y est, là, on est bien, tu plaisantes, Fred. Là, il y a même pas la moitié. Là. Attends. On est bien décoré déjà là. Ah, mais encore plus, tu vas voir. Hein, mettre des guirlandes et tout, c'est de la folie. Ouais, on se met en mode bleu et vous pourrez suivre le premier match évidemment sur Skyrock vendredi soir. On sera là en direct pour France-Roumanie. Allez les bleus. Allez les bleus. Allez les bleus. Là, ça va être tendu. J'espère qu'on va gagner. Ah oui. On attend ça avec impatience. Bon, sinon Fredo, ouais, ça va, écoute. Quand je suis avec vous le matin, le soir, ça va. Mais en tout cas, après, et après je t'écoute, ça va aussi. Quand tout s'arrête. Non mais c'est vrai que quand t'es occupé, quand je fais l'émission, moi j'arrive à oublier ma douleur très terrible de ma tendinite. Non mais attends, tu plaisantes pas, tu nous as encore fait chier pendant 3 heures. J'en parle pas dans les émissions. Hein. Non, pas du tout. Jamais. Non, mais d'ailleurs, mais on n'est pas du tout en train d'en parler actuellement. C'est pour ça que je demandais des nouvelles, sinon j'étais très inquiet. Ah. Merci Fredo, t'es gentil toi. Voilà. Et il est super Fredo, reste avec lui. C'est parti, Urban Music Non-Stop, 20h, Planète Rap, DJ Case, 21h, la radio libre avec nous. Et tout au long de la journée, vos places pour l'Euro 2016 avec le Crédit Agricole. Bonne journée, profitez bien. Ciao. Vous retrouvez le champion de votre matinée. Ciao, ciao. C'est Fredo. Fredo. C'est moi, c'est parti. Oui. Oh, il est arrivé avec Beyoncé en plus. Et avec Bee, la Queen Bee. Magnifique. Ciao, ciao. Salut ciao. Fred. Ciao. C'est parti pour le son de Skyrock. Bonne matinée, bienvenue à vous tous en ce milieu de semaine. Rap R&B non-stop. En effet, on va écouter Beyoncé. Voici le morceau Hold Up sur Skyrock. They don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Oh love, they don't love you like I love you. Oh down, they don't love you like I love you. Something don't feel right, because it ain't right. Especially coming up after midnight. I smell your secrets, and I'm not too perfect to ever feel this worthless. How did it come down to this? Scrolling through your call list. I don't wanna lose my pride, but I'ma fuck me up a bitch. Know that I kept it sexy, and know I kept it fun. It's something that I'm missing, maybe my head for one. What's worst, looking jealous or crazy? Jealous or crazy? Or like being walked all over lately? Walked all over lately, I'd rather be crazy. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Let's imagine for a moment that you never made a name for yourself, a master wealth. They had you labeled as a king. Never made it out the cage, still out there moving in them streets. Never had the baddest woman in the game up in your sheets. Would they be down to ride now? They used to hide from you, lie to you, but y'all know we were made for each other. So I find you and hold you down. Missing, say, hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. It's such a shame you let this good love